Hangar Zéro, donc, nous en avons compris l'essence. Et l'objectif zéro déchet dans le bâtiment, utopie ou pas. Et pour faire la transition entre nos deux tables rondes, j'invite à rejoindre l'estrade Stéphanie Kerbar, députée de la 9e circonscription de Seine-Maritime, rapporteure de la loi économie circulaire, je le disais tout à l'heure, à venir faire justement cette transition entre ces deux séquences de notre après-midi. Voilà, c'est ça. Donc je vais essayer de faire une transition entre la table ronde numéro 1 et la table ronde numéro 2, entre territoire et puis le projet de loi. Donc bonjour à toutes et à tous. Tous ceux que je n'ai pas salués, pourquoi le ciel m'envoie ce signe-là? Je ne vais pas annoncer, on dirait une tempête. Donc, mesdames et messieurs, donc, la semaine passée, pour parler un petit peu territoire, j'organisais donc, dans la 9e circonscription qui touche la communauté urbaine, donc, avec ma collègue députée de Côte d'Or, Yolaine de Courson, une réunion de présentation de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et pourquoi je vous parle de cela, c'est qu'il s'agit d'un organe public dédié à l'accompagnement des projets des collectivités territoriales sur les volets donc financiers, administratifs et techniques. Et là, vous voyez qu'entre l'économie circulaire et le secteur du bâtiment ou de la construction, eh bien, il y a un lien étroit. L'Agence nationale de cohésion des territoires donc, a été créée par une voie législative, par la loi, et donc répond aux besoins de simplification administrative exprimés par les collectivités en ayant acté, donc là je rentre un petit peu dans le côté technique on va dire, mais le CEGET qui est le Commissariat Général à l'égalité des territoires et les PARECA, l'établissement public, bonjour, national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de l'Agence du numérique. Donc plusieurs élus de communes ruraux donc on avait répondu présent, mais pas seulement. Les opérateurs privés également et acteurs de l'aménagement du territoire et du bâtiment ont également été accueillis lors de cette présentation. A posteriori, donc je pense que nous étions tous animés par une motivation commune, à savoir comment donner vie, donner corps à des projets de territoire innovants, fondés sur la cohésion sociale et surtout avec l'utilité publique. Et tout à l'heure, on en a justement parlé de ces enjeux. Le chantier de ce hangar zéro s'impose comme un exemple significatif de cette attente. Mais il me semble que si vous avez souhaité me donner la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour vanter les qualités architecturales du bâtiment, ni revenir sur l'utilité de ces espaces innovants. Les intervenants qui m'ont précédé s'en sont chargés et avec beaucoup de clarté et de professionnalisme. Je vais donc évoquer la loi économie circulaire, donc relative à la lutte contre le gaspillage pour une économie circulaire et sur laquelle j'ai été rapporteur. Cette loi a été promulguée le 10 février 2020, donc c'est tout récent, et elle poursuit deux objectifs. Donc, un, transformer nos façons de produire et de consommer, pour passer donc d'une économie circulaire où on limite notre production de déchets et où on donne à chacun des acteurs concernés par la gestion des déchets les moyens d'agir en fonction de leurs capacités. Ce texte de loi donc intègre plusieurs propositions issues de la feuille de route pour l'économie circulaire, la FREC, et transpose donc les directives européennes issues du paquet économie circulaire. Et cette feuille de route d'économie circulaire donc, a été présentée par le Premier ministre Édouard Philippe et la secrétaire d'État Brune Poirson le 23 avril 2018. Son élaboration a fait suite donc, à une consultation de près de 1800 contributions, 4 ateliers thématiques et une mission sur l'avenir des filières de responsabilité élargie du producteur, donc, à savoir les filières REP. Cette feuille de route mettait en avant 4 grands axes, mieux consommer, mieux produire, mieux gérer nos déchets et surtout l'idée également de mobiliser l'ensemble des acteurs. Entre autres dispositions majeures de ce texte, je veux revenir aujourd'hui sur la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, avec notamment la réalisation d'un diagnostic déchets sur certaines opérations de démolition et réhabilitation de bâtiments. Donc, concernant la mobilisation des industriels pour transformer les modes de production, avec la création, donc, au travers de ce texte de loi, de nouvelles filières REP élargies du producteur ou la possibilité de création d'un dispositif de consigne, notamment pour le réemploi et la réutilisation. La loi a fixé des objectifs ambitieux concernant la prévention et la gestion des déchets et pour le secteur du bâtiment, il s'agit d'atteindre la valorisation de 70% des déchets du secteur du bâtiment en 2020, notamment en améliorant la collecte des déchets d'entreprise et du bâtiment via la création d'une consigne solidaire, d'une harmonisation des règles de tri pour tout le territoire, d'une adaptation de la fiscalité pour rendre le recyclage donc moins cher que la mise en incinération des déchets, et notamment en réduisant le taux de TVA à 5,5% pour, en ce qui concerne la prévention. La commission donc de développement durable et aménagement du territoire, dont je suis secrétaire, a examiné donc 1782 amendements pour cette loi et 355 ont été adoptés. Donc, et en séance publique, c'est 2285 amendements qui ont été examinés. Concernant, donc, pour parler un petit peu de la REP, parce que le secteur du bâtiment est concerné puisqu'on a créé une REP bâtiment, la mise en place au niveau de la gouvernance, on a créé donc la mise en place d'un comité de parties prenantes auprès de chaque éco-organisme. Et ce comité des parties prenantes donc regroupe les associations, les producteurs, les opérateurs de déchets, les collectivités. Et on ne les a pas rentrés au sein même de la gouvernance de la filière REP, mais on les a mis à côté. Mais en tout cas, ils ont un rôle important puisqu'ils devront rendre donc un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, et en particulier sur le montant de la contribution, le barème, les marchés initiés par l'éco-organisme, etc. On a également donc créé donc pour le secteur du bâtiment, je l'ai dit, une filière REP. Il y a également, et je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, la réécriture des modalités également du fonds pour donc la création même d'un fonds pour le réemploi solidaire. Donc son financement s'effectuera dans le cadre de chaque REP et un pourcentage minimal de contribution au fonds est prévu donc à hauteur de 5%. Et il sera doté d'un, là c'est assez important cette disposition-là, il sera doté d'un mécanisme en fait d'augmentation des ressources si les producteurs n'atteignent pas leurs objectifs en matière de réutilisation et de réemploi. Donc aujourd'hui, dans le texte de loi, on a gravé dans le dur les filières qui étaient prêtes pour ce réemploi et à hauteur de 5%, donc à savoir notamment le textile, l'électroménager, le meuble, etc. Et on a laissé le choix donc, pour les futures REP qui seront créées demain et donc la REP bâtiment est concernée. Eh bien, si elle souhaite rentrer cotiser donc, pour ce fonds réemploi, eh bien, elle le pourra au travers d'un décret et il en sera de même, notamment pour, on a créé la filière REP pour les jouets, tout ce qui est matériel de bricolage, jardinage, etc. Ce que je voulais dire aussi concernant, j'y viendrai un petit peu plus tard peut-être. Dans la loi également, il y a l'article 6 qui concerne donc toute la question du diagnostic. On en a parlé tout à l'heure. Donc le diagnostic déchets sur certaines opérations de démolition et la réhabilitation et de réhabilitation. Donc l'idée, c'est améliorer donc le dispositif existant de diagnostic déchets dans le cadre d'une opération de démolition, donc afin d'améliorer la gestion des produits, matériaux et déchets du bâtiment. Et puis, le secteur du bâtiment donc, constitue l'un des principaux producteurs, on l'a vu également en ouverture, de déchets en France, avec 228 millions de tonnes de déchets en 2014, soit 70% de la production française totale de déchets. Et donc, on voit bien que là, le bâtiment eh bien, est un secteur stratégique, en tout cas, sur l'objectif de réduction de déchets. Donc dans le droit actuel, donc on a le code de la construction, donc l'article 111-10-4 de la construction donc, et de l'habitation, qui est issu de la fameuse loi du 12 juillet 2010, qui porte un engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2. Qui prévoit donc que des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation. ainsi que les contenus et les modalités de réalisation de ce diagnostic. Vous avez également le décret du 31 mai 2011 qui précise donc toute la mise en œuvre en indiquant que cette obligation s'applique au bâtiment d'une surface hors d'œuvre brute, hors œuvre brute supérieure donc à 100 mètres carrés et au bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, pardon, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses. Et donc selon l'étude d'impact du projet de loi, près de 10 ans après son entrée en vigueur, seulement 5 à 10% des opérations relevant du champ du diagnostic pré-démolition font effectivement l'objet d'un tel diagnostic. Et clairement, aujourd'hui, aucune sanction en fait n'est prévue. On a également donc toujours l'article 6 qui comprend plusieurs dispositions afin d'améliorer la mise en œuvre de ce diagnostic déchet. Donc on a modifié l'article 111-10-4 toujours du Code de construction et de l'habitation, donc afin d'élargir le périmètre du diagnostic qui couvrira également donc les travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments. Et il est par ailleurs précisé que ce diagnostic donc, fournit les informations nécessaires au réemploi et à la valorisation de ces produits, matériaux et déchets. Et un décret donc, en Conseil d'État déterminera les modalités d'application de ces dispositions. Donc là, on est rentré, la loi a été promulguée, et donc là, on est dans la phase en fait, d'élaboration des décrets. La création donc d'un nouvel article, au 110-10-4-1, donc au sein du code toujours de construction, afin de renforcer les compétences. Afin de renforcer les compétences et l'indépendance de la réalisation de ce diagnostic. Et donc il devra être réalisé par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétences, sans lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique avec l'entreprise donc effectuant les travaux, qui soit de nature donc à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Nous avons également créé un second article donc qui devient 110-10-4-2 au sein du code toujours de la construction qui précise que le préfet a l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme et pourront se faire donc également communiquer ce diagnostic. Concernant les terres excavées, alors j'avais pas prévu forcément d'aborder cette partie, mais il y a eu des questions tout à l'heure dans la salle, voilà, sur ce sujet. Donc je vais en parler un petit peu. Donc ce diagnostic qu'on parle de déconstruction devra également donc fournir les informations nécessaires donc relatives à la qualité des terres excavées. Donc c'est une partie de la réponse que vous avez eue tout à l'heure. En vue en priorité, donc toujours pour respecter l'échelle de traitement des déchets au niveau européen, donc en vue en priorité donc du réemploi et de la réutilisation hors site ou à défaut de leur valorisation. Vous avez également l'article, alors je cite les articles, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, s'il y a vous pouvez toujours prendre des notes. Le 541-4-3 du Code de l'environnement et qui est modifié dans cet objectif. Et donc, on dit que ces terres donc, devront être orientées donc, dans une installation visée à l'article L214-1, donc soumise à autorisation ou à déclaration, ou dans une installation donc, visée à l'article L511-1, soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, et sont supprimées. Avant le dernier alinéa, également, on doit s'assurer du respect des conditions précitées, donc dans les critères qui peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers et le cas échéant accrédité. Et un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets. Là, on a également l'article 6 bis A dans ce texte de loi, donc qui est un article additionnel qui modifie donc l'article 3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, et donc qui dit que les cessations de construction temporaire et démontable dont le service de l'État ou l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi pourront être réalisées gratuitement aux entreprises donc solidaires d'utilité sociale dont le but est d'en éviter la démolition et les biens cédés. Et donc là on voit bien toute la dans la philosophie du texte de l'économie circulaire, également tout le côté social en fait de ce que l'on veut aussi, ce côté de l'économie. Donc les biens cédés ont au préalable fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement afin de prévoir que les biens ne sont pas susceptibles de satisfaire donc aux besoins d'une autre administration, et ils devront être proposés donc sur le site. Alors, on a prévu un site informatique donc de dons mis en ligne par la Directive nationale d'intervention domaniale. Concernant l'article 6 bis B, donc ça c'est la sortie de statut de déchet, et donc on a expliqué que ça avait été un frein jusqu'à présent au réemploi. Et donc dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition d'un bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur donc qui a la faculté de contrôler donc les produits et équipements pouvant être réemployés, eh bien les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. Donc ça c'était l'article 6 bis B qui est important pour vous. Nous avons également l'article 6 ter A qui précise que l'acheteur public ne peut exclure du champ de la commande publique les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leur niveau de qualité bien sûr et de sécurité soit égaux à ceux des constructions neuves de même type. Et on modifie également l'article L228-4 du Code de l'environnement afin de permettre d'augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments. J'en arrive à la création de la filière REP sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a mis comme objectif ? Donc, des objectifs de maillage du territoire national en installation de reprise et de traçabilité des déchets sont ajoutés à l'objectif de reprise sans frais des déchets au sein de la nouvelle filière REP pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il est par ailleurs précisé que l'ensemble de ces déchets, et y compris les inertes, sont soumis à la REP, donc la faïence, le verre, etc. L'éco-organisme de la filière REP, donc produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, devra couvrir donc les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits de matériaux. Et cela en coordination avec l'article 8. L'article 8, c'est toute la gouvernance des REP. Les principes de fonctionnement de la REP, donc bâtiment, prévoyant notamment que les contributions qui couvrent les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets qui sont abandonnés, déposés, y compris lorsqu'ils ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des REP, en tenant compte donc du plan régional de prévention et gestion des déchets, on en a parlé tout à l'heure également, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Et il est précisé que les cahiers des charges des éco-organismes de cette nouvelle filière REP bâtiment détermineront donc les conditions dans lesquelles les producteurs de produits et matériaux de la REP contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. Ce que je voulais dire aussi, le focus que je voulais aborder tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant, concernant la création de la filière REP bâtiment, c'est qu'on voit aujourd'hui que certains opérateurs du bâtiment ont déjà mis en place une collecte et un tri, par exemple au sein de surfaces d'espaces de vente, par exemple. Donc l'idée, c'est que demain, eh bien, pour pas démolir tout ça, parce que c'est quelque chose qui fonctionne quand même, eh bien, ils déclareront leur tonnage à l'éco-organisme, comme ça pénalisera pas l'éco-organisme des tonnages qui seront organisés par la filière. Et puis les coûts de traitement de ces déchets, du tri et du traitement, eh bien l'éco-organisme viendra prendre en charge ces coûts. Voilà, donc là c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on part du principe que la filière est capable aussi de s'organiser, de collecter, de trier, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais seulement il faut qu'aujourd'hui ça prenne un peu plus d'ampleur, parce qu'il y a quand même toute la question également des dépôts sauvages. Donc ça, on a vu que également l'éco-organisme prendra prendra en compte ces coûts-là. Donc là, on s'oriente un peu, j'imagine, mais ça, les acteurs en parleront tout à l'heure, plutôt vers un éco-organisme du coup financier et pas opérationnel, et laisser la, comme Citeo, en fait, aujourd'hui, sur les emballages ménagers, et du coup, de laisser la filière, en fait, s'organiser d'un point de vue opérationnel. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été assez technique, peut-être un peu barbant, mais non, des mais fois c'est toujours utile d'avoir les articles et puis voilà. Exactement. Je vous remercie. Je me permets juste une petite question parce que je sais que votre agenda ne oui, vous permet pas de rester. Oui, et je vais devoir m'éclipser, je voilà. peux pas rester. Aujourd'hui, beaucoup de monde là sur les premiers rangs ont mes coordonnées, donc si vous pouvez venir les voir et puis vous les transmettrons, voilà. Voilà, la loi, elle est toute jeune, elle a ouais. un mois maintenant c'est depuis ça. Sa promulgation, et le moment des décrets, vous l'avez dit, on est dans cette phase et c'est on souvent est... un élément, un temps essentiel. C'est ça. Parfois quasiment aussi important que le texte de loi. Voilà. Est-ce qu'il y a des objectifs calendaires un peu sur les décrets d'application ? Bah, l'idée, c'est que les décrets sortent dans les 6 mois. Après, ce qui est assez frustrant pour nous, parlementaires, c'est que eh bien, les décrets sont rédigés par le gouvernement. Et nous, une fois que la loi est votée, eh bien, normalement, voilà, on n'a plus à regarder. Par contre, on revient quelques mois après pour l'évaluation de la loi. Et donc, j'espère pouvoir être à la manœuvre voilà, quand ce sera le cas, mais dire par contre qu'on reste quand même, eh bien, je dirais une courroie de, en tout cas pour faire passer les messages ou les remonter, ou s'il y a des points un petit peu critiques, voilà où il faut être un petit peu vigilant. Voilà, on peut rester en porte d'entrée pour remonter l'information. Très bien, merci beaucoup Stéphanie Kerbar. Eh bien, avec un objectif dès 2020 de 70% de réutilisation des déchets du bâtiment, on va pouvoir s'orienter vers cet objectif zéro déchet dans le bâtiment. Et c'est le thème de notre seconde table ronde. Donc j'invite à rejoindre l'estrade Emmanuel Honneau, chargé de mission PRPGD de la région Normandie. Stéphanie Pally, maître d'œuvre et puis qui a travaillé sur l'opération de la Grande Halle, donc au nom de le WIP. Valérie Flicoteau, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Mathilde Billet de Bellastock, qu'on a entendu tout à l'heure en introduction. Hugo Bonnet, consultant en économie circulaire pour la plateforme Cycle Up. Et Pascal Dufour, secrétaire régional de la CAPEB Normandie, donc la CAPEB, je le rappelle, Confédération de l'artisanat et des petits entreprises du bâtiment. Merci à vous. Oui, et c'est Mathilde qui va compléter ce plateau. Merci à vous tous d'être là. Je vous propose qu'on commence par faire un peu plus de connaissance les uns et les autres. Ah oui, le micro, ça va aider. Merci beaucoup. J'aimerais faire un premier tour de table pour vous faire réagir à l'intitulé de la table ronde, objectif zéro déchet dans le bâtiment. Pour vous, c'est une utopie concrète. Comment vous percevez cet intitulé ? Ben, on va commencer avec vous, Pascal Dufour, donc secrétaire régional de la CAPEB. Alors, rien n'est une utopie. Après, c'est les délais qui sont mis par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas dire ça va du jour au lendemain on va faire zéro déchet. Les 70% qu'évoquait tout à l'heure même la députée, on sait que c'est aujourd'hui loin d'être le cas et que y a besoin d'un certain nombre d'étapes. Donc l'objectif c'est un peu de retravailler là-dessus et de rentrer dans le détail là-dessus. Après aujourd'hui la production de déchets ou le réemploi aujourd'hui est quelque chose qui commence à se faire, mais qui est quand même très compliqué. Je pense qu'on reviendra en détail après dessus. Évidemment, merci beaucoup. Emmanuel Honneau, donc je le rappelle, vous êtes chargé de mission PRPGD pour la région Normandie. Je vous laisserai expliquer ce qu'est le PRPGD et puis également revenir sur l'intitulé de notre table ronde. Bonjour à tous. Donc effectivement, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est un document un peu conducteur pour la région et l'ensemble de ses de ses partenaires pour donner un cap en fait sur les actions qu'on doit mener ensemble pour justement limiter la production de déchets, parce que tout le monde sait que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc comment est-ce qu'on anticipe un maximum les projets pour réduire au maximum voilà, la production de déchets. Et ce document d'ailleurs comporte tout un chapitre dédié à l'économie circulaire. Alors en fait dans le plan il y a effectivement un chapitre dédié à l'économie circulaire, mais il y a une stratégie parallèle qui a été développée avec une gouvernance élargie pour justement que les acteurs du territoire puissent s'approprier l'ensemble de cette feuille de route qui vise aussi à renforcer notamment le partenariat entre les partenaires pour mettre en application voilà, tous les préceptes qui ont été présentés notamment à la première table ronde. Et donc, objectif zéro déchet. Alors pour moi, c'est un objectif qu'il faut atteindre le plus vite possible. Je pense qu'aujourd'hui, avec les enjeux de préservation des ressources non renouvelables, avec l'urbanisation galopante, aujourd'hui, selon l'ONU, les surfaces constructibles vont doubler d'ici 2050. Donc on doit nécessairement aujourd'hui s'attaquer tous ensemble à ce projet. Donc pour moi, c'est faisable. Il faut juste que tous les partenaires soient autour de la table, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Et ce qui est vraiment très intéressant dans tous ces projets-là, c'est que tout le monde retrouve son cœur de métier. L'artisan, l'économiste, voilà, on essaye de dialoguer au maximum. Donc je pense que ce n'est pas infaisable. Mais effectivement, on a des délais compliqués. Mais si on est tous ensemble, j'ai aucun doute là-dessus. Merci. Stéphanie Pally, j'aimerais là aussi avoir votre regard et le regard du WIP, qui a une expérience aussi déjà sur la question d'aller vers le zéro déchet. Alors, utopie, j'espère pas. Entre le démarrage de notre expérimentation sur le lot réemploi, sur la réhabilitation de la Grande Halle à Colombelles, il y a 3 ans et aujourd'hui, les mentalités ont déjà énormément changé en un temps très court, vraiment, des gens qui étaient très réticents et très, très suspicieux et puis très, qui ne prenaient pas tellement le sujet au sérieux il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous voir pour nous demander des diagnostics ressources, pour nous demander de les accompagner dans l'intégration de réemploi dans leur marché. Donc c'est peut-être pas tant une utopie que ça, j'espère. Valérie Flicoteau, donc vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Là aussi, objectif zéro déchet à l'Ordre des architectes, c'est quelque chose qui est plutôt du côté de l'utopie, du concret. Dans utopie, certainement pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'impose à tous, à nous. Le réemploi, mais aussi la transition écologique, mais aussi la performance environnementale des bâtiments. Je pense qu'aussi il y a un accélérateur, on sent qu'on est à un moment de bascule, donc c'est un moment d'autant plus intéressant et qui nous impose, en tout cas au Conseil de l'Ordre, on le vit comme ça, à être en responsabilité et à accompagner ce mouvement-là. Et je pense que tous les architectes, et quand on voit l'Assemblée ici réunie, je pense que c'est aussi des sujets qui intéressent les architectes. Donc, au contraire, non, nous on cherche à accompagner, à accélérer, à motiver, à mobiliser. Dernière autre chose, effectivement, je reprends ce qui vient d'être dit. Le premier déchet à éviter, les déchets, il vaut mieux les éviter plutôt que de les fabriquer. C'est pour ça que nous, on insiste toujours, avant le réemploi, il y a quand même la réhabilitation des bâtiments. Mmh. Avant de démolir, il faut toujours, toujours se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de démolir sûrement, certains, tous les bâtiments ne sont pas réhabilitables. Tout ou partie des bâtiments doivent être démolis, mais ça c'est quand même une question qui est fondamentale, qui est de dire que si on conserve un bâtiment et qu'on le fait évoluer, on produira moins de déchets que si on le démolit. Mmh. Voilà. À vos côtés, Hugo Bonnet, donc vous êtes consultant en économie circulaire pour Cycle Up. Donc deux questions, l'exercice de pitch pour nous présenter Cycle Up, et puis là aussi votre regard sur cet objectif zéro déchet. D'accord. Juste avant, je voudrais commencer par dire que consultant économie circulaire, j'aime pas du tout ce mot. Vrai. Non, c'est pas grave. Pardon. Je l'avais pas dit avant. Non, mais c'est vrai que, en fait, je préfère dire faiseur de réemploi ou même intégrateur de matériaux de réemploi dans un projet. Mais c'est juste, économie circulaire, c'est vraiment très large. Le réemploi en fait partie, mais c'est pas grave du tout. Hein. Non, j'aurais commencé par le zéro déchet, en fait, parce qu'il y a rebondir directement sur quelque chose qu'a dit Mathilde tout à l'heure. Ne plus parler de déchets, mais de ne parler que de ressources. Moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est qu'un jour, lorsqu'on va fabriquer un bâtiment, on n'aille plus chez le roi Merlin, ou alors qu'on aille chez le roi Merlin, mais que le roi Merlin ne soit que des matériaux qui aient déjà eu une première vie avant. Que lorsqu'on va chez Point P, qu'à chaque fois on ait en fait une telle ressource de matériaux de seconde main qui soit disponible et qui circule de chantier en chantier, que en fait on arrive à construire des bâtiments sans avoir à fabriquer de nouveaux matériaux. C'est un espoir. J'espère que Cycle Up aidera à arriver à cette fin. Donc Cycle Up, c'est une plateforme, et utiliser la plateforme dans le sens, c'est vraiment un endroit pour agglomérer un peu toutes les compétences et tous les outils pour arriver à faire du réemploi à la fin. La partie un peu émergée de l'iceberg, si vous tapez Cycle Up sur internet, vous verrez que c'est un espèce de bon matériau de construction. Donc je voudrais rebondir sur les fenêtres de tout à l'heure. Par exemple, les fenêtres pourraient être mises en ligne sur Cycle Up. Le but du jeu, c'est de mettre en relation des fournisseurs et des preneurs. C'est sur l'intégralité de la France. Tout le monde peut le faire. Il y a juste un petit point, c'est que c'est entre professionnels. Donc c'est vraiment important. Et donc ça, c'est un peu un outil qu'on utilise, nous, quotidiennement, où on intervient un peu sur toute la durée d'un projet, donc du concours jusqu'à la réalisation, et auprès d'un peu tous les acteurs, de la maîtrise d'ouvrage jusque de plus en plus, en fait, l'entreprise qui va soit déposer, soit remettre en œuvre pour faire du réemploi dans un projet. Merci. Mathilde, même question, utopie ou pas ? Bon, sincèrement, aujourd'hui, oui, encore un peu. Mais en réalité, on y arrive. En fait, les filières sont en train de s'organiser pour. Et donc, aujourd'hui, on peut envisager avec une maîtrise d'ouvrage de fixer des objectifs de 90% de valorisation. Mais dans valorisation, il y a les 3 R, réemploi, réutilisation, recyclage. Le recyclage étant quand même une branche qu'on essaie de moins valoriser parce qu'elle nécessite quand même derrière de l'énergie supplémentaire, de la refabrication en usine, des matériaux. Après, il y a quand même tout ce qui va être déchets dangereux qu'on sait modérément traiter en fonction de si c'est amianté et plombé. Donc on tend vers ça. On espère qu'on y arrivera. En fait, il y a toujours des solutions à trouver. Les scénarios sont multiples. Et encore une fois, il ne faut pas oublier d'accompagner ces professionnels-là auxquels on pense, parce que là, on est avec les architectes, on est avec les maîtrises d'ouvrage. Mais en fait, il y a les entreprises aussi énormément, et il ne faut pas oublier de les accompagner. Il y a ces revendeurs de matériaux qui sont existants, inexistants, numériques, pas numériques. Mais en fait, il y a tout un tissu, tout un réseau, et c'est eux qui font aussi beaucoup. Donc je sais qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans les équipements de traitement, pour le traitement des matériaux sur chantier, qui permettent déjà de pré-stocker. Et en fait, quand on y réfléchit bien, une entreprise qui dépose bien ses matériaux de construction, peut-être que ça lui demande un petit peu plus de temps, mais derrière, c'est du temps en moins de nettoyage, par exemple. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a énormément de démolitions, de déconstructions qui ont lieu dans des tissus très contraignants. Donc en fait, les méthodologies de dépose de l'entreprise, elles sont déjà extrêmement minutieuses. Le fait de conditionner les matériaux de manière différente, ça n'ajoute pas énormément de temps en plus sur le chantier. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur un certain nombre de choses, mais il faut savoir que ces déconstructeurs-là, ils ont déjà beaucoup de capacités. Et il y a aussi énormément d'entreprises qui se spécialisent dans des déconstructions de plaques de plâtre, par exemple, qui minutent le temps qu'il faut, par exemple. Il y a l'association Hydre qui sort qui accompagne aussi pour aider les entreprises à se former, à déconstruire, en fait. Et les entreprises, tout le monde a son savoir-faire, en fait. C'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres pour s'aider et s'accompagner dans cette transition du bâtiment, mais vraiment à une large échelle. Et comme tu disais, demain, en fait, on s'adresse aussi aux particuliers, parce qu'en rendant visibles les matériaux mis à leur disposition, demain je veux changer mon robinet, je peux très bien aussi aller chez un revendeur de matériaux de réemploi. Et parce que finalement, le robinet qu'il aura à me vendre, si c'est un bon commerçant, il n'y a aucune raison qu'il dysfonctionne. Sinon, il ferme son commerce. Merci pour ce premier tour des tables. Alors, pour que je vais vous donner un peu le conducteur de la table ronde. On a fait un zoom finalement sur le hangar zéro tout à l'heure, qui a servi de prétexte en fait à voir où on en est aujourd'hui pour ce zéro déchet. Là, l'objectif, c'est on s'inscrit dans la trajectoire vers ce zéro déchet dans le bâtiment, et j'ai envie qu'on évoque peut-être les étapes, mais elles ne sont pas forcément chronologiques, elles sont souvent concomitantes, mais les ingrédients en fait pour vraiment s'inscrire pleinement dans cette trajectoire. On va parler d'abord des mentalités. Où est-ce qu'on en est? Vous avez tous dit qu'il faut que ça bouge, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qu'on utilise pour que les choses bougent. Comment on joue collectif, deuxième chapitre, pour aller vers ce zéro déchet. Troisième chapitre, comment on arrive à se faire rencontrer l'offre et la demande concrètement pour avancer. Et puis quatrième chapitre, évoquer quelques limites aussi sur cette trajectoire. Allez, les mentalités. Où en sont les uns et les autres par rapport aux potentialités de réemploi? J'ai envie de commencer avec vous, Pascal Dufour, donc, qui représentait l'ACAPEB au niveau des petites entreprises, des artisans. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui autour du zéro déchet et du réemploi? Alors, aujourd'hui, juste un chiffre, aujourd'hui c'est 25 000 entreprises en Normandie. Donc en fait, il n'y a pas une mentalité. Il y a des approches complètement différentes, comme tout public. Aujourd'hui, les entreprises ont d'abord des clients qui sont soit en majorité des particuliers, mais aussi des maîtres d'ouvrage publics. Et donc, en fait, en fonction de l'évolution de la culture du professionnel, de l'approche du professionnel et de l'approche du particulier, on va avoir des logiques complètement différentes. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc on n'a pas un état d'esprit, il y a une multitude d'états d'esprit. Et aujourd'hui, la notion de réemploi, elle n'est pas nouvelle. Quand on a échangé, on a évoqué la traditionnelle maison normande. Et aujourd'hui, quand on prend bêtement la traditionnelle maison normande, elle était réemployable à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des exemples en la matière par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution des réemplois, et on a eu une chute du réemploi avec la... Et je ne fais pas de l'histoire, mais ça permet de revoir quand même une chose, avec l'utilisation de matériaux industrialisés. Donc en fait, aujourd'hui... Et aujourd'hui, on est dans un cycle où on a tendance à revenir par rapport aux besoins, par rapport à différents enjeux, à reprendre un peu différemment les choses. On sait aujourd'hui aussi que par rapport à un certain nombre de professionnels qui travaillent sur des matériaux naturels, on a des logiques de réemploi beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, la maison traditionnelle normande en était dans la logique, mais aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la terre crue. On sait ceux qui sont dans cette logique-là ont plus facilement à utiliser le matériau naturel verniculaire, donc proche, par rapport à ça. Donc ça, on est dans ces... Après, je ne vais pas parler des limites, parce que je crois qu'on l'abordera dans les quatrièmes points. Et malheureusement, ça va largement contredire ce que je viens d'évoquer. Mais on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, un professionnel, qu'on utilise un matériau de réemploi ou un matériau neuf, la technique est la même. En dehors de la limite qu'on reviendra après tout à l'heure, assurantielle, etc., la technique est la même, la compétence est la même. Aujourd'hui, il n'y a pas une volonté des entreprises de dire « je veux absolument un matériau neuf », à part le fait de s'assurer. Mais donc en fait, aujourd'hui, et sa technicité est plus mise en valeur quand on réemploie un matériau, et sa compétence est plus mise en valeur que d'utiliser bêtement un matériel industriel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a... Mais c'est par rapport à ça, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, et c'est la limite qu'on verra tout à l'heure, on a une vague forte, mais on a une évolution en la matière de la prise en compte par rapport à ça. Et tout à l'heure, on évoquait l'enjeu de la réhabilitation, et c'est évident qu'aujourd'hui, plus on va favoriser la mise en place de la réhabilitation plutôt que la démolition et la reconstruction, plus on va aussi faire de l'économie en matière de déchets. Alors, vu qu'il y a un seul micro, je vais peut-être parfois me simplifier la vie, mais pas toujours, peut-être justement avec Emmanuel, donc vous travaillez pour la région Normandie, la maîtrise d'ouvrages publics, vous êtes en contact de beaucoup d'intercommunalités sur les territoires, et puis la région elle-même, elle en est où la maturité sur le travail des marchés publics qui vont inciter au réemploi? Alors effectivement, la maturité, elle est un peu à nuance, enfin elle est nuancée. Aujourd'hui, on a une réglementation qui nous impose aussi à utiliser un maximum de matériaux réemployés dans les marchés publics. La loi Transition énergétique et croissance verte l'a tout d'abord initiée et elle a été renforcée avec la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, il y a certaines collectivités qui sont plus ou moins avancées sur la démarche et c'est ce qui nous a aussi incité, en partenariat avec l'ADEME, à monter une série de sessions de formation à l'attention de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. C'est vraiment le binôme qu'on souhaite toucher aujourd'hui. Et donc effectivement, on a ciblé aujourd'hui plus de 80 collectivités qui étaient très intéressées pour pouvoir se lancer dans la démarche. Donc la métropole, on peut citer la métropole de Rouen, on peut citer la communauté de communes suisses normandes. Enfin voilà, il y a un certain nombre de territoires qui sont aujourd'hui qui ont envie de sortir de leur zone de confort ont testé. Dans les deux des exemples que vous donnez, en plus, on est sur des typologies de territoires totalement différentes. Oui, c'est pas que l'apanage des grosses structures, des vaisseaux amiraux un peu. Effectivement, il n'y a pas un modèle de collectivité plus exemplaire que l'autre. L'idée, c'est de toucher le bon référent au sein de la collectivité. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir identifier dans la structure quelles sont les pratiques, quels sont les freins. Effectivement, il y a beaucoup de marchés publics qui ont fait aujourd'hui du copier-coller. Et c'est ça aussi qui pénalise l'innovation des entreprises qui ne peuvent pas forcément proposer des variantes et des savoir-faire locaux. Donc l'idée, c'était à travers ces formations de trouver en fait un socle commun pour pouvoir discuter sur la notion de réemploi, la notion de diagnostic ressources, diagnostic matériaux demain. Et donc, effectivement, tous les sujets qu'on a abordés à la première table ronde et qu'on va traiter aussi aujourd'hui, elles sont abordées. Donc, c'est déjà se familiariser avec des nouvelles réglementations, avec des nouvelles clauses environnementales. Et à l'issue de la formation, les collectivités disposent de ce clausier-là. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, on est sur une première étape. Et la deuxième étape sera aussi de les accompagner. Parce que c'est pas forcément en leur mettant un guide entre les mains que les choses vont évoluer. Mm-hmm. Donc, c'est aussi de réfléchir comment est-ce qu'on peut les accompagner avec des bureaux d'études, avec les architectes présents aujourd'hui pour avoir une vraie dynamique régionale et essayer de catalyser. Et c'est en cela que la région est un rôle de synergie entre, entre les projets. Alors Stéphanie, vous disiez tout à l'heure, en 3 ans, les choses ont radicalement bougé concrètement. Je dirais même peut-être en moins de 3 ans, parce que les premiers maîtres d'ouvrage qu'on a contactés pour aller sur le chantier de la Grande Halle, donc où il y avait un lot réemploi dédié, on avait pour mission d'aller chercher des matériaux de réemploi sur les chantiers de démolition alentour. Et les premiers maîtres d'ouvrage qu'on a contactés pour leur demander si on pouvait aller sur leur chantier de démolition pour récupérer des matériaux. Si vous voulez, venez. Donc on s'est mis d'accord, on a fait ces récupérations de matériaux de façon assez informelle. Un an après, ils nous contactent et ils nous demandent si on peut essayer d'organiser un accompagnement. Ils nous demandent de les accompagner sur une mission pendant 18 mois pour les aider à intégrer du réemploi sur leur marché. On a eu exactement le même processus avec Calvados Habitat qui est Inolia aujourd'hui, où on est juste, le premier contact qu'on a eu avec eux, c'était voir avec eux si on pouvait récupérer des charpentes sur des chantiers de démolition qu'ils avaient. On leur a expliqué la démarche. Et puis pareil, un an après, ils nous ont dit en fait, le réemploi, ça nous intéresse. On essaierait bien d'en intégrer dans nos marchés. Donc, quels que soient les acteurs du domaine, c'est vraiment une question de sensibilisation, de formation, de montrer, à voir les chantiers. Le chantier de la Grande Halle, il a un impact assez important parce que c'est un chantier de... c'est un marché public sur lequel il y a eu une expérimentation réemploi qui a plutôt bien réussi. Donc on fait beaucoup de sensibilisation et de visite de ce lieu déconstruire un peu et détricoter ce que les gens ont en tête à l'égard du réemploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées que le réemploi, c'est un peu du matériau pas terrible qu'on essaye de caser. Et en fait, on a vraiment essayé de faire en sorte que tous les matériaux de réemploi en question ne dénaturent pas le projet architectural et apportent une plus-value esthétique aussi. Donc ce chantier montre à voir que c'est possible, que c'est rien qu'une visite. On fait des visites plus ou moins approfondies hein, selon les demandes, mais déjà une visite déconstruit ce que les gens ont en tête. Et à l'égard des artisans qui sont quand même, enfin les artisans et les entreprises qui sont ceux qui font la mise en œuvre des matériaux en question, moi à la première, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'étais vraiment persuadée qu'il y avait des pratiques très ancrées et qu'il allait avoir vraiment beaucoup de résistance des entreprises à l'égard des matériaux de réemploi. Et en fait, pas tellement. Même les grosses boîtes, hein, il suffit de leur expliquer, de les accompagner, de leur montrer que les matériaux en question, déjà les intégrer assez vite dans le processus, donc leur montrer les matériaux en question, leur expliquer que tous les systèmes de fixation, ça sera des fixations des matériaux neufs, parce que les filetages sont abîmés, de leur montrer que on récupère un sanitaire, mais les abattants seront neufs. Vraiment accompagner et montrer ce que c'est vraiment et quelle valorisation il y a sur les matériaux en question. Donc voilà. Donc c'est juste une petite précision sur ce qu'on a réalisé sur chacun des matériaux qu'on a intégrés. On a constitué des dossiers techniques qui nous avaient été demandés par l'assurance pour accepter d'assurer les matériaux en question. Et en fait, ces dossiers techniques qui regroupaient le maximum d'informations en tout genre sur chaque matériau permettaient aussi de donner des informations aux entreprises. Ça leur permettait de voir, d'avoir une traçabilité, que les matériaux, on sache d'où ils venaient, comment ils ont été déconstruits, comment ils ont été transportés, comment ils ont été valorisés, stockés. Et en fait, ça donnait aussi un gage d'information. C'était aussi une façon de sensibiliser et d'informer les entreprises qui faisaient la mise en œuvre. Du côté des architectes, elle en est où, cette maturité, cette évolution des mentalités, Valérie? Ça arrive, la preuve. Oui. La preuve. On est quand même dans un lieu qui est pris en charge par des architectes. Je pense qu'on est encore dans une phase très pionnière. On est encore dans des dispositifs assez expérimentaux. La nature de la table ronde, la première table ronde le montrait bien. Effectivement, c'était très intéressant de voir ce bureau de contrôle qui nous disait tout est possible. Enfin bon, tous les bureaux de contrôle ne participent pas activement au projet parce que je pense que l'un des gros freins à toutes les... Toutes les expérimentations, en tout cas dans le bâtiment, parce que le bâtiment est quand même enfermé sous une chape de plomb de réglementation. Tout le monde se tient un peu par la barbichette, les assureurs, les maîtres d'ouvrage, les entreprises. In fine, c'est quand même... C'est un assemblage d'objets, c'est un objet complexe qui est fait d'assemblages d'objets qui eux-mêmes sont complexes. Et in fine, il faut que ça garantisse la sécurité des personnes. Donc on comprend que dans cet écosystème-là, il y a des habitudes. Tu disais, Mathilde, que l'une des choses les plus compliquées à faire, c'est de mettre en œuvre le changement. Effectivement, mettre en œuvre le changement, ça veut forcément dire bousculer les habitudes. Et donc ça veut dire changer de posture et que chacun se remettent dans la posture du projet. Moi, c'est ce que j'ai lu dans le témoignage qui nous a été donné, que tous les acteurs autour du hangar zéro sont dans une posture de projet, acceptent les contraintes et les limites et en même temps la réinterrogation l'évolution de leur pratique. Et ces situations-là, effectivement, sont encore nouvelles, rares. Elles dépendent pas que des architectes, elles dépendent aussi beaucoup des maîtres d'ouvrage. Après, moi, ce dont je peux témoigner, en tout cas au sein du Conseil de l'Ordre, c'est que c'est des questions qui nous intéressent, qu'on suit beaucoup. On a été actifs sur le projet de loi sur l'économie circulaire et on va essayer d'être actifs aussi sur les décrets. Donc ça, c'est notre mission vis-à-vis des parlementaires. Mais on a aussi une mission vis-à-vis des architectes. On a créé ce qu'on a appelé la plateforme transition écologique qui est un lieu numérique dans lequel on accumule et on donne à voir toutes les expériences et tous les outils possibles. Notamment sur cette plateforme, on a On recense de façon assez simple hein, les plateformes locales, les plateformes locales effectivement pour l'ensemble des architectes. Je sais que certains conseils régionaux ont mis en place des outils, des guides, des choses donc que nous on donne à voir et qu'on mutualise. C'est sûr que quand on le travail est quand même beaucoup facilité justement par les expériences données à voir. Enfin, encore une fois, l'exemple. Donc nous, notre rôle, c'est de donner à voir l'exemple, de faire en sorte qu'il soit vu par un maximum d'architectes et aussi par nos maîtres d'ouvrage. Et puis d'accompagner aussi les architectes dans leur formation continue, puisque on essaye de les solliciter pour savoir eux sur quel sujet ils sont intéressés, mais en même temps de motiver les organismes de formation en amont pour les mobiliser sur les formations des sujets de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, se former à la question du réemploi, c'est quand même prendre 5-10 ans d'avenir sur ceux qui ne s'intéressent pas à cette question-là. Les écomatériaux, les questions de rénovation énergétique. Enfin, tous ces sujets-là qui sont des sujets brûlants, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les architectes, de les aider à prendre ça en compte dans leur pratique. L'autre témoignage que j'ai, c'est Frédéric qui le disait tout à l'heure, travailler dans un projet de réemploi, c'est aussi se mettre en tant qu'architecte dans une posture du projet qui est différente. Et ça, c'est bien aussi, c'est par des conférences comme ça qu'on fait comprendre, on fait entendre cette voix de la posture et de la position du concepteur qui évolue aussi différemment. Alors Mathilde, j'aimerais qu'on évoque les futurs architectes, parce que vous, avec Bellastock, vous intervenez dans des écoles d'architecture. Justement, comment est reçue cette nouvelle approche, cette nouvelle posture de l'architecte ancrée dans son territoire qui est ainsi, qui se dessine? Alors, pour les changements de mentalité, moi j'appelle ça parfois le pied dans la porte, parce que même si c'est pas le premier projet qui va prendre, bah, peut-être que le deuxième prendra, parce qu'on a commencé à donner des idées à l'architecte, il se dit mais oui finalement, et puis après c'est la preuve par l'exemple, donc on montre aussi ce qui a été fait, comment ça a été fait, en montrant qu'en fait le réemploi peut tout à fait être intégré, que c'est pas écrit que c'est du réemploi spécifiquement. Et après on y va un peu tous de nos plateformes, mais là c'est la plateforme Opalis qui a développé Rotor en Belgique, qui se développe en France et qu'on accompagne Rotor à le développer en France. Il y a énormément d'exemples d'archi qui sont implémentés sur cette plateforme, et vous allez regarder plein de trucs, vous cherchez des matériaux, tac, bah vous avez la preuve par l'exemple que ça peut être réalisé, que c'est faisable, comment ça peut être mis en œuvre, etc. Oui, on intervient dans les écoles d'archi en travaillant donc soit autour de projets, donc par exemple en ce moment avec l'école de Grenoble qui va présenter le solar Décathlon l'année prochaine, on les accompagne. On intervient pour faire des conférences et pour leur dire qu'en fait demain c'est eux qui prescriront ces futurs matériaux et qu'il faut qu'ils prennent en considération ces changements de manière forte. Mais ils sont déjà dans une démarche où ils ont moins envie de suivre la démarche classique. Ils sont dans un travail plus collaboratif, je trouve. Et donc, ils reçoivent ça très bien. Mais on intervient aussi auprès des architectes qui travaillent déjà et qui pratiquent, qui ont commencé à initier, mais qui trouvent ça quand même encore un peu compliqué. Donc, en fait, l'idée, c'est surtout d'en parler. Moi, on passe beaucoup de temps à en parler, à expliquer, bah regardez, en fait, dans ces cas-là, on peut essayer de trouver. C'est vrai qu'il faut être un peu créatif, parfois un peu malin, pour se dire, mais si j'essaie ça, peut-être que ça va fonctionner. Mais c'est aussi, en fait, on vit une époque horrible par certains aspects, mais en même temps fantastique, parce que hyper créative. On est tous un peu libres d'imaginer la manière dont on va y arriver. Il faut juste qu'on aille à peu près dans les mêmes directions. Ça commence à prendre. Je pense que les formations, elles vont continuer de se développer. On espère. Et puis après, bah, les professionnels, oui, il y a toutes les échelles de professionnels. Et pour ce qui est des entreprises de démolition, de déconstruction, la première approche, c'est souvent, au début, ils sont un peu dubitatifs. Puis en fait, après, bah, oui, bien sûr, en fait. C'est du bon sens. Le réemploi, c'est du bon sens pour tout le monde. Et soudainement aussi, on les implique dans une boucle circulaire, donc les démolisseurs deviennent aussi des constructeurs, parce qu'en fait, ils deviennent fournisseurs de matériaux. Donc il y a aussi un changement de mentalité par rapport au travail qu'ils peuvent fournir, eux, vis-à-vis des futures constructions. Oui, un complément, Valérie, là-dessus. Juste deux minutes sur les écoles, spécifiquement, et sur la façon de former les étudiants. Il y a en place un dispositif qui s'appelle ENSA Eco, qui réunit les enseignants, justement, qui veulent s'intéresser à toute la question de l'écologie dans l'enseignement de l'architecture. Donc, ça touche tous les sujets de l'écologie, dont l'économie circulaire. Donc, c'est des choses, effectivement, qui pénètrent aussi les écoles d'architecture que nous, on encourage et qu'on accompagne, bien sûr. Bon, après, chaque école est libre de ses programmes. Hugo, justement, alors Cycle Up, la plateforme, elle a été créée en 2017, donc elle est assez jeune, mais déjà, en termes de tendance, est-ce que ça permet de témoigner aussi de l'évolution des mentalités sur ces sujets ? Ouais. Alors, d'abord, je voudrais faire une petite précision. Il faut distinguer deux choses. La partie où on va déposer, on va déconstruire, etc. Où là, je pense qu'il y a une belle évolution des mentalités et où ça se fait très bien. Aujourd'hui, on a une quantité de projets incroyables dans la démolition. Donc, les gens sont à l'aise pour venir ne plus parler de démolition, mais parler de déconstruction. Donc, tout va bien de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, on parlait de maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, quand il s'agit d'aller remettre des matériaux sur leur projet, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On en reparlera donc, tout à l'heure quand on parlera offre et demande, mais c'est vrai que c'est un point important. Donc, au niveau de la mentalité, c'est vraiment... on a commencé par notre travail. Le premier travail a été d'aller chercher les maîtres d'ouvrage, d'aller chercher justement ces maîtres d'ouvrage qui avaient des bâtiments en déconstruction et en rénovation. Ça s'est très bien passé. Maintenant, ils ont tous compris la démarche et ils font du réemploi à chaque fois. Et derrière, maintenant, c'est de l'autre côté qu'on essaye de se concentrer. Et le travail de cette année, c'est vraiment d'aller voir les entreprises et pas les entreprises de déconstruction, puisque eux aussi, ils ont compris leur intérêt, mais vraiment les entreprises qui vont construire, et de leur expliquer que, en effet, faire du réemploi, c'est pas beaucoup plus compliqué que de faire avec un matériau neuf. Et ça passe par un point très important que Stéphanie a dit tout à l'heure, c'est faire les choses proprement et pas forcément, enfin si, je vais le dire, dans les règles, mais de le faire et de le cadrer, en fait, toutes les actions et de leur prouver que c'est faisable. En fait, il faut juste prouver que c'est faisable et que ça ne diffère en rien de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est ça qui est important. Je pense que la construction, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est une histoire de personnes et de relations entre personnes. Donc la plupart de notre boulot, c'est de faire de la pédagogie et juste de ramener par l'exemple et par des méthodologies qui soient claires, précises et construites et complètes, qu'on arrive à faire changer les choses. Alors ça fait le lien avec le point suivant sur justement ces démarches collectives, parce que vous me disiez, Hugo, il faut vraiment qu'on construise des écosystèmes locaux du réemploi, et cette traçabilité que vous évoquez là, entre les lignes, elle en fait partie. Ouais. En fait, on peut pas chacun faire les choses chacun de son côté. Je pense que ça fonctionne pas forcément comme ça. Tout comme à la base, en fait, on a créé des DTU, c'est des gens qui se sont rassemblés et qui ont créé des bâtiments techniques unifiés. Je pense qu'il y a la même démarche qui peut s'appliquer sur le réemploi. Alors, franchement, le réemploi, c'est quand même un milieu assez cool. On s'entend quand même tous très bien. Enfin, je pense que ça se passe plutôt pas mal. Donc, il faut continuer dans cette démarche-là. Le seul problème, et on en parlait avec Stéphanie tout à l'heure, c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable de se rassembler et comment est-ce qu'on est capable de mettre en commun nos connaissances et de continuer à avancer sur cette voie-là. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai un exemple où j'arrive à réemployer des tuiles, je reprends l'exemple tout à l'heure, comment est-ce que je suis capable de diffuser cette information pour que la prochaine fois que Frédéric veut mettre des tuiles, par exemple, en fait, il soit capable de venir utiliser cette méthodologie et que ça fonctionne sur le projet d'après. Donc c'est vraiment, il faut qu'on arrive à bâtir et à construire quelque chose là-dessus. Je vais utiliser l'exemple du numérique. CycleUp se veut vraiment comme un centre de ressources. Mais il se veut un centre de ressources pour tout le monde. C'est CycleUp, ça va être le nom du site. Mais en fait, derrière, le but du jeu, c'est aussi qu'on soit tous capables de venir mettre des contenus. Ce qu'a fait Opalis, c'est très bien. Alors, je vais le dire très mal, mais Matériotique Bruxelles, qui le fait très bien aussi, où ils ont mis plein de connaissances à l'intérieur, histoire de le rassembler. Et pour que derrière, un architecte qui veuille mettre en œuvre des tuiles, en fait, il ait toutes les données de la dépose sélective à la remise en œuvre sur les volets juridiques, environnementaux, méthodologiques, travaux, logistiques, pour pouvoir le faire. Mmh. Voilà, sachant que ça n'enlève en rien la compétence de chacun et le fait que chaque projet est particulier. Mmh. Absolument. Et donc justement, cette démarche collective, elle s'appuie sur des partages, que ce soit la méthodologie, mais aussi des outils très pratiques comme des fiches standardisées. À la Grande Halle, il y avait tout un travail aussi là-dessus pour partager ces outils qui sont indispensables aux entreprises pour qu'elles se sentent sécurisées aussi ou au clair quant aux responsabilités par rapport aux matériaux. Ben, on va commencer à en mettre. Nous, sur la plateforme, il y a des choses sur Repart, Café Bellastock sous la commande de l'ADEME, il y a déjà des choses qui sont très bien. Et nous, on va essayer vraiment de mettre en avant ces fiches-là, d'en mettre. Et le but du jeu, ce serait aussi que tout le monde soit capable d'en mettre et de venir compléter. Donc, il faut trouver quelque chose de collaboratif. C'est compliqué, mais on va y arriver. J'aimerais vous entendre, Pascal, là-dessus, puis peut-être après Stéphanie. Oui. Alors, plusieurs réflexions. Par rapport à l'aspect méthodologie, par rapport à l'utilisation d'un matériau, une ressource, c'est tout à l'heure ça a été évoqué par la députée, c'est qu'on passe du stade d'essai au stade ressource. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. Aujourd'hui, un déchet, c'est un déchet. Je suis désolé d'être un peu brutal, mais réglementairement, c'est un déchet. Et aujourd'hui, avant de qu'on se dise que ça devient une ressource, il faut quand même qu'il y ait ce stade réglementaire qui nous lâche un moment. Alors, il y a des projets, et la réglementation nous permet de le faire. L'objectif... Oui, l'objectif, la sortie du statut de déchet. La sortie du statut... Éviter. Oui. Mais, voilà. Après, aujourd'hui, par rapport à un professionnel, moi, quand on parle de méthodologie, et c'est qu'à un moment, on n'est pas, pour le même matériau, 25 fiches réglementaires différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vous entends, et aujourd'hui, en fonction de chaque expérimentation, on pourrait avoir, sur un même matériau, avec le même typologie de base, une situation différente. Et à un moment, le professionnel, s'il a besoin à prendre en compte, et le maître d'ouvrage, hein, parce que derrière, on va se dire, mais quelle est la bonne fiche ? Donc ça veut dire qu'à un moment, ou alors il y a un travail à chaque fois d'une étude approfondie par rapport aux matériaux, et donc en fait l'objectif quand même du réemploi, c'est quand même de massifier les choses. Donc si on est à chaque chantier à étudier et chaque situation, on ne massifiera jamais. On aura une situation qui sera intéressante par rapport à ce cas-là, mais qui ne sera pas après. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre réflexion qu'on doit porter par rapport à cet emploi, en dehors de la partie gestion réglementaire, et je pense qu'on n'aura pas fini d'en reparler tout à l'heure, c'est cette notion d'avoir une approche un peu partagée sur un matériau. Alors, chacun a travaillé, et comment ce matériau-là, à un moment... Il y a eu cette réflexion-là portée, cette deuxième réflexion, cette troisième, et à partir de ce cumul de ces expériences, ben on en fait une dernière qui est valable. Parce qu'aujourd'hui, un matériau, qu'il soit fait par une entreprise de Cherbourg, enfin posé par une entreprise de Cherbourg, posé par une entreprise de Gisors ou posé par une entreprise de Marseille, si on est sur le même matériau, on a la même obligation. Mmh. Donc ça, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Mathilde, en complément ? C'est pour ça aussi qu'on travaille régulièrement avec le CSTB pour essayer justement d'avoir cette vision étatique et justement qui diffuse un peu partout cette bonne pratique, entre guillemets. Je sais qu'ils sont sur des guides parquets pour justement faciliter le réemploi d'un parquet chaîne, etc. Et ils nous consultent régulièrement sur des thématiques assez précises. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille en râteau avec l'agence qualité construction pour mettre en avant les expériences qui se sont très bien passées sur les histoires assurantielles, sur les histoires avec les bureaux de contrôle. Et et les représentants des bureaux de contrôle qu'on a autour de la table à la QC, c'est pas forcément les plus faciles. C'est pas des Thomas Perron. C'est pas des... Alors là, ouais. Comme quoi, c'est encore quand même pas mal une histoire d'acteur. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je disais, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à trouver un terrain commun de vocabulaire. C'est pour ça que Bellastock, on va amender là, encore un peu la feuille de route d'économie circulaire, parce que on aimerait bien défendre les bureaux d'études, les architectes, tous ceux qui se sont motivés à faire des diagnostics ressources pour pas que ça vienne entre les mains des bureaux de contrôle qui soudainement apparaîtraient. Voilà, on va essayer de se battre pour que ceux qui se sont motivés à le faire puissent garder cette compétence. Et après, parfois il y a des projets. Alors là, on travaille sur un projet européen qui s'appelle FCRBE avec nos homologues anglais et belges. Et tous les centres techniques, donc le SCSTB en France, la Confédération de la Construction, le BBRI, j'en oublie un, le BE, Bureau Environnement de Bruxelles, et l'Université de Brighton. On essaie justement de faire remonter les expériences qu'on a pu nous relever en France. Donc évidemment, on n'a pas une connaissance de tout le territoire, mais on essaie un maximum de travailler avec des homologues en région, donc d'aller les consulter en leur disant qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que vous en êtes sur votre territoire, etc. On travaille avec les centres de ressources sur chaque territoire, les CAE, les maisons de l'archi, on est dans un gros réseau comme ça, pour essayer de faire remonter les différentes méthodologies, les mettre en commun avec nos homologues européens. Et du coup, il va y avoir des guides d'extraction et d'intégration qui vont arriver au mois d'avril, là, et qui seront en libre accès. Et après, évidemment, ça demande un accompagnement, je suis tout à fait d'accord, au moins dans la prise en main. Mais l'idée, c'est d'en faire des outils faciles. Il y a eu, et qu'ils soient partagés par tous. Et partagés par tous. Mmh. Et avec un inventaire de tous les diagnostics qui existent en Europe, comment c'est fait, est-ce que c'est obligatoire, etc. Et comment, avec les différentes expériences de chacun, on arrive à faire un guide pour qu'une maîtrise d'ouvrage puisse y retrouver, à quel moment elle doit le faire, pas le faire, comment elle arrive à avoir un avis. Valérie, vous vouliez réagir là-dessus. Alors, il y a effectivement, je pense que le partage de l'information et la mise en commun de l'information, ça c'est évident. Je voulais aussi vous parler de la loi ESSOC, qui est en loi, c'est encore un acronyme, qui est en cours d'élaboration au gouvernement et qui va consacrer le permis d'expérimenter. Avec un mécanisme où un projet qui voudrait déroger à une règle, quelle qu'elle soit, déposerait une solution d'effet équivalent, qui serait garantie par un bureau de contrôle indépendant du projet, et qui, une fois le projet réalisé, la solution d'effet équivalent validée, et donc tout son processus aussi validé, sera versé à un répertoire national de solutions d'effet équivalent, qui pourrait devenir la préfiguration d'un futur DTU ou d'une future réglementation sur une solution technique innovante dans le bâtiment. Donc je pense aussi que vous qui êtes des expérimentateurs, ce sera aussi un dispositif qui sera assez puissant, puisque du coup derrière il y aura l'affichage de l'État. Quand on sera dans le répertoire des solutions d'effet équivalentes, ça veut dire que c'est un processus qui aura été validé par l'État, le CSTB et tout ça, qui pourra aussi s'imposer à des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas forcément intérêt à faire du lobbying pour le réemploi, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de freins aussi de certains lobbies autour des questions de réemploi, et bien du coup si on lui dit attendez, si là on peut remettre en œuvre cette brique parce qu'elle aura été déconstruite comme ça et telle méthodo et reposée avec telle autre méthodo, oui vous allez nous prendre notre brique de reconstruction. Donc je vous alerte là-dessus, c'est vraiment sur le feu et dans les tuyaux, et il faut vous en saisir, il faut convaincre les maîtres d'ouvrage de s'en saisir. Hugo, c'est vrai que le permis d'expérimenter, c'était quelque chose dont vous m'aviez parlé aussi. Non, mais juste une petite précision, c'est pas forcément un bureau de contrôle qui va pouvoir... c'est en fait un organisme indépendant, on sait pas encore qui ce sera. Ouais, ben en fait, non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Parce qu'on n'a pas les compétences. On a, en fait, je pense pas qu'on puisse le faire. Mais et donc ça, c'est déjà à l'œuvre, puisqu'en fait, les premiers articles législatifs de la réécriture du code de la construction, ils sont apparus en février. Donc pour l'instant, c'est écrit. Donc cette démarche est écrite. Il reste juste les décrets d'application. Et donc là, c'est là qu'il y a vraiment à avoir un gros quelque chose de très important. En fait, tout l'enjeu, c'est de voir la lourdeur de l'opération. Mmh. C'est que si on se retrouve à faire des ATEX à chaque fois qu'on veut mettre un matériau de réemploi, on ne va pas y arriver. Parce qu'en fait, c'est impossible. Il faut même la brique d'ici, la brique à Bruxelles, elle est différente et il faudrait des ATEX différents. Donc, c'est vraiment ce genre de mentalité. Donc là, c'est là que ça se joue et c'est là qu'on intervient et qu'on essaye de faire du lobby là-dessus. Alors, oui. Non, mais juste, vous connaissez un peu tous le permis d'expérimenter ou pas ? Non. Plus bon. Ou moins. On pourra en parler. Alors, le temps file extrêmement vite. En fait, il aurait fallu 3 heures pour rien que cette table ronde. Stéphanie. Moi, je voulais juste ajouter une petite. Un ressenti sur l'idée de massification, comme vous disiez tout à l'heure. Bien sûr que ça semble important d'avoir des process communs. Je pose un peu des questions sur ça parce que chaque chantier est différent. C'est très régional aussi. On a des façons de faire différentes d'une région à l'autre. Il y a des conditions de. Enfin, je pense pas qu'on puisse unifier et uniformiser trop. Et vouloir. Il me semble que le réemploi, justement, la spécificité du réemploi, c'est que c'est spécifique. C'est-à-dire qu'on a des acteurs locaux, des entreprises locales, avec des façons de faire particulières. Et puis chaque que tel bâtiment va pas ressembler à tel autre parce qu'il n'aura pas eu le même usage, il n'aura pas été entretenu pareil, pas été démoli. Enfin voilà. Donc je veux juste mettre une petite réserve sur la volonté de massifier et de standardiser qui me. Oui, garder au cœur cette approche territoriale locale. Mais sans massification, quand même, derrière le réemploi, il y a quand même aussi le retour à des choses qui ont toujours été là, quoi. C'est-à-dire que avant, les entreprises déconstruisaient, récupéraient les choses, revalorisaient. Les matériaux étaient chers, du coup, ils étaient précieux, et du coup, c'était pas des déchets, effectivement, c'était de la ressource, quoi. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi cette espèce de bascule. De revenir à une certaine un certain regard sur un matériau de construction, peut-être une certaine cherté aussi de ces matériaux qui vont se renchérir puisque les ressources s'épuisent, ça va leur redonner de la valeur et du coup peut-être permettre de trouver des modèles économiques aussi autour de la réutilisation de ces matériaux. Alors sur ces démarches collectives, j'ai quand même envie qu'on fasse un focus sur la Normandie parce qu'on est ici au Havre. Emmanuel, justement, pour que on travaille dans une logique d'écosystème, que les acteurs soient ensemble, quels sont un peu les outils qui sont à disposition de vous tous si vous n'en êtes pas déjà partie prenante? Alors, je pense tout de suite à l'appel à manifestation d'intérêt, économie circulaire, qui est lancé chaque année depuis 2018, hein, qui permet justement de booster un petit peu le territoire sur une large palette de projets économie circulaire. Alors, sur l'édition 2020, la présélection est déjà close, c'est ça ? Alors non, il y a eu une marque d'intention pour le 2 mars, mais si jamais dans la salle, il y a des porteurs de projets intéressés, vous avez jusqu'au 27 mars. Et là, effectivement, ce sera la deadline pour proposer des projets. Mais là, effectivement, c'est un premier outil régional qui est grandement apprécié puisque il y a eu 3 ou 4 appels à projets, enfin 4 sessions, mm-hmm. et à chaque fois, il y a une vingtaine de projets et souvent plus de la moitié, ça représente des projets du BTP avec un axe fort sur le réemploi. Donc la région, en partenariat avec l'ADEME et l'État, on permet justement de catalyser un peu ce type de démarche et de sécuriser aussi, parce que derrière ces projets-là qui sont portés par des associations, il y a aussi une maîtrise d'ouvrage qui permet justement d'expérimenter, et notamment avec avec Stéphanie Pally et le WIP, le département aujourd'hui se pose vraiment des vraies questions sur l'intégration de démarches environnementales En intégrant des taux de réemploi ou un taux de valorisation dans l'idée de limiter au maximum l'enfouissement, parce que c'est un des enjeux en région et en France sur la limite des capacités d'enfouissement. Et voilà, de détourner un maximum de flux pour justement massifier un petit peu les ressources. Donc on a cette AMI qui permet voilà, de porter des projets. On a aussi le club du réemploi dans le bâtiment. Donc ça c'est important. Oui, voilà. Alors c'est un club qui fédère justement les porteurs de projets d'AMI, qui fédère quelques collectivités, qui fédère aussi des entreprises et des associations pour justement trouver un périmètre commun sur les façons de faire, quels sont les outils opérationnels qu'on peut apporter à la fois à la maîtrise d'ouvrage, à la fois aux entreprises. Et aujourd'hui, on a travaillé sur les questions assurantielles, on a travaillé sur la question de la formation de tous les acteurs, on travaille aussi sur la communication, la sensibilisation. Donc, c'est des sujets qui commencent à être investigués par différents porteurs et qui permettront de nourrir aussi de futurs projets. Et puis, je le disais en introduction, l'outil pour moi aujourd'hui fondamental, c'est la formation, la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Mm-hmm. Donc, on sera amené systématiquement à reposer ces sessions de formation avec des intervenants locaux pour justement témoigner de la faisabilité. On a la métropole de Rouen, on a l'entreprise Cemex qui est venue démontrer que le béton recyclé, c'est faisable. Il n'y a aucune barrière technique, elle est juste psychologique, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une maîtrise d'ouvrage avec un réemploi, tout de suite, il y a beaucoup de freins, mais ils sont facilement levés. L'idée, c'est de se lancer. On peut faire des erreurs, on peut tester. L'idée, c'était de trouver un terrain, un langage commun et d'encourager au maximum la coopération horizontale. Parce que c'est aujourd'hui ça qui manque dans tous les projets. Et le projet de la Grande Halle a démontré qu'en mettant tout le monde autour de la table, on réussit. L'ouvrier peut discuter avec le maître d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, si elle comprend un petit peu les pratiques des uns et des autres, peut vraiment s'impliquer et effectivement avoir une vraie plus-value et justement prendre aussi les risques dont on parlait tout à l'heure sur les questions assurantielles. Elle peut se dire je vais pas assurer les robinets parce que le risque est moindre, et justement de bien connaître son projet, de bien définir son besoin en fonction de l'usage du bâtiment. C'est un peu toute la question aussi de la plus-value de l'architecte, c'est de faire une veille aussi sur les filières de réemploi qui existent en Normandie. Et on est aussi à l'aune d'investissements et de réflexions pour justement comment faciliter cette valorisation des filières de réemploi. Et donc là, c'est effectivement d'anticiper un maximum les chantiers pour définir le besoin en fonction des ressources locales, toujours dans cette optique de moins puiser les ressources non renouvelables. Alors, imaginons maintenant que les mentalités, avec les différents points que vous avez évoqués, ont évolué, que les acteurs travaillent de manière collective, comme vous l'avez dit, Emmanuel, de façon horizontale. Finalement, il n'y a plus l'exécutant, ce n'est pas une chaîne d'exécution, mais c'est plutôt un partenariat, une co-construction. Maintenant, comment on travaille pour que l'offre et la demande se rencontrent? On a évoqué dans la première table ronde de la plateforme Permac, qui a l'ambition de faire rencontrer cette offre et cette demande en temps réel, finalement en flux tendu. Il faut que les chantiers de gisement et ensuite de réemploi coïncident en termes de temps. Avec le plateau circulaire, même ambition, mais avec un process un peu différent, puisque vous centrez sur apporter la solution, notamment entre autres, de stockage. Oui, alors l'idée du plateau circulaire est arrivée assez rapidement dans le déroulement de l'expérimentation du lot réemploi sur la Grande Halle, sur la réhabilitation de la Grande Halle à Colombelles. Et on s'est très vite rendu compte que le matériau qui était identifié comme ressource lors de nos différentes tournées d'inspection pour essayer de trouver des matériaux à intégrer dans la Grande Halle, le matériau était vraiment potentiellement mis à disposition de l'entreprise qui allait faire la mise en œuvre qu'une fois qu'il était déposé, transporté, valorisé et stocké. C'est-à-dire qu'on a expérimenté sur tous les chantiers de démolition sur lesquels on est allé plein de scénarios différents où le matériau qui avait été identifié une première fois avait été cassé lors de la dépose, qui avaient été perdus, qui avaient été cassés lors du transport, volés. On a eu un vol de fenêtre qui a été retentissant. Ouais, c'est on a travaillé pendant 2 mois sur. C'était notre premier matériau intéressant. On avait un gisement de 150 huisseries, de très belles huisseries en triple vitrage, en parfait état, intégrable, tel quel sur le chantier. Enfin, c'était un gisement de rêve. Pour être vrai. On a fait un dossier. C'est notre premier dossier qu'on a fait, dossier technique qu'on a transmis à l'assurance. L'assurance a accepté d'assurer ces huisseries, donc qui représentaient le clos et le couvert, donc ce qui était quand même assez important. Donc on était très contents, on avait tout préparé. On n'a pas fait la dépose au fur et à mesure parce qu'on ne pouvait pas laisser ouvert le chantier. Donc il fallait vraiment faire la dépose des huisseries à la dernière minute. Donc tout avait été préparé, on avait découpé tous les doublages autour, enlevé toutes les pattes de fixation. C'était vraiment, on avait une journée d'intervention pour tout enlever. Et la veille de l'enlèvement, il y a 2 semi-remorques qui sont arrivés, ils ont embarqué les 150 fenêtres qui étaient toutes prêtes. Et puis voilà, donc on s'est fait voler un gisement de 150 fenêtres. Alors qu'on avait bossé dessus, c'était horrible. Et donc, si on avait eu une solution de stockage sécurisée. Alors voilà. Donc en fait, des scénarios comme ça, on en a rencontré beaucoup tout au long de ce chantier-là. Donc on s'est dit les matériaux en Normandie, on n'a pas un flux de construction, de démolition tel qu'en région parisienne. Entre le moment où on trouve un matériau adéquat et le moment où on arrive à l'intégrer, il peut se passer 1 an, 2 ans, peut-être plus. Donc on s'est vraiment dit, pour pouvoir garantir une offre constante auprès des professionnels, il faut qu'on ait un lieu de stockage où on proposera des matériaux directement réemployables, donc qui ont été déposés, qui ont subi tout le parcours de valorisation, qui ont des fiches de traçabilité, donc où vraiment on renseigne toutes les opérations que le matériau a subies. Et que l'entreprise peut venir acheter comme elle va acheter des systèmes de, enfin je sais pas, n'importe quel autre matériau de construction. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait se limiter à une dizaine de matériaux, pas plus, qui étaient des matériaux sur lesquels on a une vision. On sait qu'on peut garantir du volume, du stock permanent, où on a une expertise sur les opérations de valorisation. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on puisse être identifié comme fournisseur de ces matériaux, dédiés auprès des entreprises. Donc un plombier qui soit au courant que s'il veut des radiateurs en fonte, il pourra venir en chercher chez nous, ou des radiateurs acier, et que ce seront des matériaux qui ont une certaine garantie de valorisation. Voilà. Donc on est un peu à l'opposé de ce que tout le monde se dit, qu'il ne faut pas stocker parce que mais alors ce lieu de stockage, c'est une des parties de ce qu'on a envie de remplir comme mission. On est convaincu qu'il faut aussi qu'on ait une plateforme, alors soit une plateforme dédiée, soit une plateforme sur Cycle Up, voilà, peu importe, mais aussi un accompagnement de la sensibilisation, de la formation, qu'on puisse accompagner tous les acteurs de la construction. Et donc voilà, donc on a plusieurs pôles d'activité autour de ça. Et alors, Pascal, j'aimerais justement d'abord, je commence avec vous, avoir votre réaction. Cette solution-là, ça répond à ce que vous nous disiez tout à l'heure, d'avoir des matériaux, traçabilité, des fiches précises. Il y a deux éléments qui me paraissent intéressants de mettre en avant là-dessus. C'est un, la gestion des problématiques des flux tendus. Dans le bâtiment, un chantier n'est pas linéaire. On voudrait bien qu'on commence le premier, on finit le 30 et on est sûr que tout commence bien. C'est pas le cas. Et donc en fait, plus on a une problématique en flux tendu, plus on a des productions en flux tendu, et ça vient d'être évoqué, en plus des matériaux en réemploi, on peut avoir un problème d'approvisionnement à un moment ou à un autre, et donc à un moment, derrière, il y a la gestion du chantier qui doit se continuer. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que aujourd'hui, avoir une plateforme physique est quelque chose d'intéressant. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas développer le dématérialisé, mais la plateforme physique est importante. Et le deuxième aspect, c'est toucher le matériau. aujourd'hui. Les professionnels, quand ils achètent un matériau chez un fournisseur, ils connaissent, ils savent que ça porte de l'eau, qu'il était de bonne. Là, pour permettre que l'entreprise appréhende mieux le matériau, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, tout le monde n'est pas convaincu. Et donc, à un moment, ils ont besoin de voir le matériau, ils ont besoin de le toucher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, Internet ne le permet pas. Donc, ça veut dire que c'est aussi pédagogique en la matière et ça permet de montrer qu'aujourd'hui, le matériau, eh ben, il est propre, il tient la route en la matière. Et donc, ça va mettre en confiance l'entreprise par rapport à son client. Mathilde, j'aimerais vous faire réagir et aussi parce que se faire rencontrer l'offre et la demande, on a parlé depuis le début de l'après-midi des diagnostics ressources à faire sur le territoire, mais c'est aussi un diagnostic des savoir-faire et c'est aussi comme ça que vous travaillez. Bon, alors je vous rejoins complètement sur ce que vous dites. Rotor présente ça comme fait le parallèle avec la révolution sexuelle des années 60 et qui fait qu'aujourd'hui Tinder ça fonctionne. Eh bien, en fait, il faut faire la révolution des matériaux pour que plus tard, peut-être très vite, ces systèmes de mise en relation directe fonctionnent. Mais en effet, on a besoin encore de voir la matière, de toucher. Et les espaces tampons de stockage, pour le moment, ils sont quand même relativement nécessaires. Et c'est pour ça que notre rôle dans le projet européen, c'est de mettre en avant ces plateformes qui existent déjà, qui ont éventuellement ces capacités de plus, de mettre en avant toutes les nouvelles initiatives qui sortent, parce qu'en fait, on a vraiment affaire à deux types de générations. Et le but de Opalis en France, c'est juste de rendre visible en fait, l'offre qui est à disposition sur le territoire. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça, on essaie à chaque fois de trouver des partenariats avec des acteurs locaux qui ont une bonne connaissance fine du territoire pour pouvoir mieux répertorier ces entreprises qui sont existantes, naissantes, qu'on essaie quand même de répertorier et d'implémenter sur la plateforme. Voilà. Et en fait, ces entreprises-là qui sont déjà du métier, qui proposent la plupart du temps des services complémentaires, donc ils sont menuisiers, tailleurs de pierre, serruriers, etc., vitriers, ils peuvent déposer, ils peuvent préparer et ils peuvent même mettre en œuvre. Donc en fait, ils ont un espèce de service clé en main qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. Et au même titre qu'on va chez Leroy Merlin, en fait, ça s'adresse aussi aux particuliers parce qu'en fait, près de chez eux, il y a des boutiques de revente. Voilà. Donc, on travaille avec l'association Hydre dans le Sud, avec Sicoval, avec Station Service. On essaie, en fait, et d'ailleurs, qui veut, qui a envie, justement, de mettre en commun, nous, les recherches qu'on a pu faire, les visites qu'on fait, parce qu'en fait, on rend visite à ces revendeurs pour voir exactement ce que c'est leur stock. Mais c'est aussi des revendeurs de vieux matériaux, quoi. Ils se demandent un peu ce qu'on fait là, soudainement, pourquoi ça intéresse leur emploi. Et puis, en fait, très vite, ils comprennent la logique dans laquelle on est en train d'entrer. Et en fait, ça fait que, on peut faire 2000 mètres carrés de tomates dans une opération neuve, parce qu'en fait, il y a un fournisseur qui est à disposition. Je disais tout à l'heure à Frédéric que moi, j'avais sûrement des fournisseurs pour lui avec ses 2500 mètres carrés de solives. On va en reparler. Voilà. Hugo, là aussi, Cycle Up travaille aussi justement sur l'accompagnement, parce que l'offre et la demande, c'est pas juste un outil numérique, c'est vraiment encore aujourd'hui l'accompagnement qui reste la clé. Ouais, bien sûr. En fait, on a une action qui est à plusieurs échelles. Je pense que l'échelle qui est la plus grande, c'est vraiment celle que vous allez voir quand vous allez sur Internet. Donc on est en France, mais on est aussi maintenant en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Mais en fait, c'est quelque chose qui est national et qui n'est qu'une vitrine. Absolument pas la volonté de se substituer aux acteurs locaux. En fait, le but du jeu, c'est juste d'avoir, je sais plus qui le disait tout à l'heure, un endroit central où on a en vitrine tous les matériaux de construction. Donc pour l'instant, la seule fonction qui existe concrètement sur la plateforme, c'est une recherche par géographie. Donc c'est juste se dire, moi je suis au Havre, je veux que des matériaux qui sont au Havre sous un diamètre de 20 km autour. Donc c'est la seule fonction. Et ensuite, ce qui est en train d'être développé, c'est de faire plutôt une entrée par revendeur. Donc en fait, par exemple, tous les revendeurs qui ont été identifié par Bellastock, c'est en fait se dire, ok, ils sont là, et en fait, ils sont aussi capables de mettre en ligne, et au lieu d'aller faire tous les sites de tous les revendeurs, c'est de l'avoir là, à un seul endroit qui soit centralisé. C'est un peu le but. Et encore une fois, ça ne se substitue pas aux acteurs locaux, parce que le réemploi a cette force, je trouve, qui est de faire aussi, pas circuler que les matériaux, mais faire circuler les gens entre eux, qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a en effet, il y a toute une offre d'accompagnement qui va derrière. On n'aime pas se comparer au Bon Coin, même si c'est un peu un Bon Coin, parce que le Bon Coin a choisi d'externaliser toutes les emmerdes et nous, on a choisi de les garder. C'est-à-dire que toutes les histoires de logistique, de suivi de dépose, de suivi ensuite jusqu'au moment où la personne va récupérer son matériau et le mettre en œuvre, en fait, on l'accompagne derrière, les transports également, etc. Et en fait, après, il y a un point de vue du coup beaucoup plus local, parce qu'on est basé à Paris. On essaye deux choses. La première chose, c'est qu'on est en train d'essayer de créer, et on l'expérimente sur trois projets, des contrats d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on arrive, même en face d'appels d'offres, on se met avec l'entreprise et on leur dit, nous, on est capable de vous fournir ce matériau à ce prix-là. Et comment est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est parce qu'aujourd'hui, après donc 3 ans d'existence maintenant, on sait en fait quels sont les matériaux qui circulent et on commence à avoir un retour d'expérience sur leur prix. Un parquet massif, par exemple, nous, on le vend à 14,50 € le mètre carré. C'est juste pour vous donner une idée. Donc on est capable aujourd'hui de dire, nous, on s'engage à vous fournir un matériau à ce prix-là. Et là, en fait, c'est en créant cette fourniture qu'on va réussir à récupérer des matériaux et à rassurer les entreprises et voilà. Et la troisième chose, c'est que, bah oui, il y a des filières qui existent, il y en a qui se sont créées, je pense à Mobius avec les faux planchers. Nous aussi, on se dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose sur des portes, par exemple? Donc on réfléchit, on verra un peu comment ça fonctionne. Il y a déjà, en fait, tout un écosystème qui existe, qui a été identifié par Bellastock. Et s'il y a des manques, les portes, les faux plafonds, par exemple, parce que oui, il y a des tomettes et il y a des cheminées anciennes, mais des cloisons vitrées, par exemple, il y en a beaucoup moins. Et quand on fait des bureaux, bah, malheureusement, il y a des cloisons vitrées. J'aimerais très très rapidement, parce qu'il est déjà 16 et en fait il y a deux visites de prévues du site, une première avec vous à 17h30 et puis une autre avec un nouveau public qui va arriver à 18h, donc il faut qu'on accélère absolument sur les limites ou les verrous qui restent bloquants. Pascal, j'aimerais commencer avec vous vraiment en quelques mots, qu'on se fasse un petit tour de table là-dessus. Alors c'est les plus lourds en fait là, puisque là on est dans le cœur, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure par l'architecte, c'est aujourd'hui les règles applicables. Mmh. Aujourd'hui on n'a pas parlé beaucoup des assureurs, mais je vous rappelle que chaque fois qu'une entreprise intervient, elle assure ses travaux pendant 10 ans. Sur la décennale, c'est pas l'assurance de l'incendie, non. C'est pas l'assurance de tout ça, c'est l'assurance pendant 10 ans, ça veut dire que l'entreprise est responsable de la mise en œuvre pendant 10 ans. Aujourd'hui, on a un vrai souci là-dessus. Je peux vous dire que même les matériaux naturels peinent à se faire assurer. Donc ça veut dire que et chaque fois qu'un matériau n'a pas une norme très défini, il n'est pas, où il a un ATEC, etc., il n'est pas assurable. Donc ça, on a un vrai, et tout à l'heure ça a été évoqué par la députée, c'est vraiment que demain le déchet soit travaillé autrement pour qu'on obtienne cette notion qui passe d'une notion de déchet à une notion de ressources et que on puisse qu'il soit assurable. Parce que aujourd'hui, là, on se dit, bon, le maître d'ouvrage va être OK pour se couvrir un certain nombre de choses. Si à un moment, on vous dit demain matin, on vous met des matériaux, ça vous coûte moins cher, mais on n'est pas sûr que vos travaux soient garantis pendant 10 ans, eh ben, je veux dire, aujourd'hui, peu de maîtres d'ouvrage prennent le risque. Il y en a qui prennent le risque, et tant mieux. Aujourd'hui, et ça, c'est le grand enjeu. Et tout à l'heure, ça a été évoqué lorsqu'on a parlé de l'hangar zéro, c'est-à-dire les expérimentations qui voudraient être développées. C'est que aujourd'hui, les expérimentations qu'on a sont portées par des associations. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est rarement sur de l'habitat. Donc aujourd'hui, s'il y a vraiment une expérimentation à porter, ça va être sur du logement. Alors on n'est pas obligé d'avoir des gros logements, mais des logements. Et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on arrive à porter des opérations. Tout à l'heure, ça a été évoqué, je crois, par vous, sur la taille de l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'investissement du réemploi, il faut qu'à un moment ça soit adapté aussi à la taille de l'opération. C'est évident que quand on a aujourd'hui on a des grosses opérations, on sait qu'on va pouvoir rentabiliser l'opération parce qu'on peut investir de l'énergie grise beaucoup à un moment pour permettre qu'on fasse des économies à un moment, mais des moments on n'aura pas la possibilité de le faire. Donc ça c'est tout aussi le deuxième enjeu. Mais le premier enjeu c'est la problématique des assurances et des bureaux d'études. On n'a pas un monsieur Perron partout et je pense que non, mais c'est un vrai souci par rapport à ça, et c'est le quotidien, hein, c'est le quotidien, et il n'y a pas toujours on a des maîtres d'œuvre qui sont présents, mais ils ne sont pas toujours présents sur les chantiers puisque bon, il y a des petits chantiers, et donc non mais il n'y a pas des architectes dans tous les chantiers, il y a des chantiers de rénovation par rapport à ça, et on n'a pas, puisque les chantiers aujourd'hui c'est toutes les tailles, donc en fait aujourd'hui, il faut qu'on aborde les choses complètement différemment en la matière. Mais le premier obstacle, c'est les assurances. Mais c'est notre débat permanent. Oui, et puis c'est un peu, de toute façon, quand j'avais posé la question en amont, c'était un peu partagé par toutes et tous. On voudrait, parce que le temps file, qu'il puisse y avoir... Je vous donne juste le timing de la fin, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va pouvoir s'exprimer encore un peu. Je voudrais qu'on puisse prendre quelques questions de la salle. Il y a un point qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder, mais que plusieurs d'entre vous avaient relevé. Une des limites aussi, c'était sur... Oui, les gisements sont énormes, donc il y a de quoi faire. Et à la fois, vous étiez plusieurs à poser des questions sur les constructions des années 2000, avec des matériaux très composites, plein de colle et compagnie. Là, on va avoir des problématiques, le réemploi va être beaucoup plus complexe. Un complément, Stéphanie. Ensuite, j'aimerais entendre Valérie pour un peu, en quelque sorte, conclure, mettre un chapeau sur tout ce qu'on a abordé, et ensuite on se tourne vers la salle. Je voulais juste faire un petit retour sur le problème des assurances, qui bien évidemment est le sujet. Il y a quand même, on commence à pas mal travailler autour de ce sujet-là. Il y a quand même les assurances qui vont à un moment donné. Alors, au lieu d'essayer d'absolument vouloir faire rentrer le réemploi dans le cadre d'assurance aujourd'hui, les assurances vont être obligées de bouger. Elles vont être obligées de proposer des nouveaux produits assurantiels parce qu'elles voient que les choses changent. Elles voient que nous, on a eu, pour ne pas les citer, il y a AXA qui a assuré tout le chantier et toute l'expérimentation autour du réemploi. Eux ont fait cette première expérimentation. Ils se sont dit, bah oui, il faut qu'on bouge, on ne sait pas encore trop. Alors, on a fait cette expérimentation-là, on n'est pas encore prêt. Mais... Donc, il y a des assurances qui sont en train d'essayer de réfléchir à quoi proposer comme type d'assurance pour ces matériaux. Peut-être qu'il ne faut pas toujours se dire, on va essayer de caser le réemploi dans ce qui existe, mais il y a peut-être autre chose qui va se construire du côté des assurances. Enfin, j'espère. Une phrase. Du coup, nous, c'est Allianz qui assure 2 ans les produits qui transitent. Comme ça, on en aura cité 3. Maïf, AXA, Allianz, comme à la radio. Tout alors, ça, je voudrais juste mettre un bémol, c'est que ça ne touche pas les trucs compliqués du type la structure, le clos couvert et les équipements techniques hors les luminaires. Mmh. Et donc, les matériaux qui transitent par la plateforme sont assurés 2 ans. Très bien. Emmanuel aussi. Non, mais attends, au sujet des assurances, si tu veux, c'est clair que la MAF, la mutuelle des architectes français, elle suit et elle accompagne. Enfin, je ne sais pas si Frédéric il est assuré. Non, il a dit Maïf. Non, c'est la MAF, toi, en tant que concepteur, et elle t'accompagne sur ce. C'est le hangar qui est assuré à la Maïf, mais l'activité de l'architecte est prise en charge par l'assurance des architectes, qui est aussi très accompagnatrice sur ces sujets-là, qui assure aussi des bureaux de contrôle. Alors juste pour conclure, parce qu'on a beaucoup parlé de formation, sensibilisation, il y a un MOOC qui est disponible sur la plateforme Bâtiment Durable, le réemploi matière à bâtir. Voilà, très bien. Plus d'informations. Voilà. Merci. Valérie. Ouais, alors, bon, on m'a demandé de conclure... Mais c'est compliqué de conclure une après-midi comme ça. Plus simplement, on m'a posé la question de... Je suis architecte, j'ai jamais fait de réemploi, et en gros, comment je peux faire, quoi ? Parce que je pense que y a peut-être des gens dans la salle qui se posent ce type de questions, et est-ce que... Et voilà, donc moi, c'est... C'est des réflexions comme ça que j'ai posées sur le papier, mais comme je suis entourée d'hyper spécialistes, j'y vais à tout petit pas. Et surtout, j'espère que c'est plus pour susciter des interrogations et que vous puissiez après aller vers eux pour approfondir le sujet. Donc moi, là, avant d'avoir un premier point, j'ai un point zéro qui est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'existant. C'est-à-dire que avant de se poser des questions de réemploi, il faut se poser des questions de qu'est-ce que je démolis, pourquoi je démolis, est-ce que c'est intéressant, et même convaincre son maître d'ouvrage que la démolition, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, et tenter la réhabilitation au maximum. Ça, c'est la première chose. Après, quand on est dans une situation où notre maître d'ouvrage nous incite, nous autorise à mettre en place des démarches de réemploi, je pense que la première chose à faire, c'est les partenaires. C'est connaître ses partenaires et connaître tout de suite les possibilités et les limites qu'offre le territoire. Donc c'est effectivement toutes les plateformes, toutes les ressources qui sont sur place, sur le site, parce que effectivement, si on est dans le cadre d'une réhabilitation, il y a peut-être des éléments qu'on va déconstruire et qu'on pourra peut-être réutiliser. Il y a peut-être aussi, si on est dans un projet neuf, des ressources. On a parlé de la terre tout à l'heure. Effectivement, si on doit creuser quelque chose, autant trouver un débouché pour la terre sur site, c'est toujours mieux. Il y a tout le réseau des entreprises partenaires, parce que je pense que la CAPEB est là aujourd'hui. Les entreprises, il faut les amener aussi à se mettre dans cet état d'esprit et dans ce projet-là. Donc il faut savoir très vite qui est là et pouvoir bénéficier aussi du savoir-faire des entreprises, tant celles qui vont déconstruire que celles qui vont reposer. Et puis, je pense que l'un des points centraux, c'est le bureau de contrôle. Est-ce que le bureau de contrôle sera un partenaire, et faire du bureau de contrôle un partenaire, et en tout cas convaincre le maître d'ouvrage que pour porter un projet en réemploi, il faut que le bureau de contrôle soit un partenaire. Donc les bureaux de contrôle, ils sont comme tous les prestataires, ils peuvent se mettre en concurrence et on n'est pas obligé d'être totalement, il n'y a pas de dictature du bureau de contrôle. Un bureau de contrôle, c'est un prestataire et ça se change. Donc ça, c'est sur la question partenaire. Voilà. Il y a un moment où si on veut porter une idée, aujourd'hui on voit que le réemploi, c'est quand même une démarche volontaire, et donc si le maître d'ouvrage veut porter un projet de façon volontaire vers des solutions qui sont innovantes, il faut que le bureau de contrôle soit un partenaire et pas un frein, et il ne faut pas qu'on se batte avec lui. Tu parlais de se battre avec les bureaux de contrôle, Frédéric. Je pense que si on veut porter des projets ambitieux, il faut que le bureau de contrôle soit avec nous. Alors après, il y a mon deuxième point, ce serait que le projet doit s'adapter. Et on l'a dit, concevoir un projet avec du réemploi, c'est pas concevoir un projet comme avant. Il faut effectivement regarder la ressource, voir ce que c'est plutôt ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on va transformer qui vont guider le projet, son esthétique, son assemblage, sa réflexion. Donc ça aussi, c'est important. Ça a été souligné aussi beaucoup, faire du réemploi, c'est pas renoncer à l'esthétique, c'est pas renoncer à la question du projet, c'est pas renoncer à la question du beau, c'est réfléchir à toutes ces questions-là différemment, puisque en fait ça pose le matériau comme un préalable au processus de création. Donc c'est plutôt ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles fenêtres, mais il faut en être bien conscient. Pour moi, il y a aussi un volet qui est de mécanique technique. Je sais que Marc Sariès, qui est le bureau d'études qui a accompagné le projet du WIP, voilà, Albert et compagnie, ont mis en place une méthode avec un CCTP zéro qui était le CCTP de l'entreprise qui déconstruirait, qui deviendrait le fournisseur de matériaux. Il y a quand même des mécaniques qui existent, donc il faut aller à la pêche, mais ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Vous avez les deux, trois noms, Bellastock, Cycle Up. Je pense qu'on est aussi dans une démarche très vive et très bouillonnante et où tous les acteurs sont ouverts et disponibles et au contraire ont envie de donner l'information. Donc il faut en profiter. Il faut profiter que c'est beaucoup des architectes qui bougent les lignes. Et donc tu parlais de langage, Mathilde. Effectivement, on a un langage commun à inventer, mais en même temps, on est tous architectes et on a des mots et des façons de réfléchir qui sont quand même assez proches, et ça c'est intéressant. Donc c'est aussi les architectes, je les invite à ça. Et puis le dernier point, c'est effectivement la question de l'assurance qui revient comme un leitmotiv. C'est ce que je disais moi dans mon intervention tout à l'heure. Le bâtiment, c'est un objet complexe fabriqué d'assemblage d'objets qui eux-mêmes peuvent être complexes et qui doit garantir la sécurité des personnes dans son utilisation. Donc à l'intérieur de ça, les assureurs se sont beaucoup reposé sur des dispositifs de ceinture, bretelles, parachutes, tout. Il faut donner de l'air à tout ça, mais en même temps, c'est bien justement là d'entendre que il y a des assureurs qui eux aussi accompagnent des projets comme ça. Voilà. Merci pour ces quelques points pour continuer à avancer. J'aimerais avoir la réaction de Fabrice Lenôtre. Vous êtes le chargé de mission métier environnement au sein de la FFB, la Fédération française du bâtiment de Normandie. Avoir votre réaction à ce que vous avez entendu dans cette table ronde, dans les deux même peut-être. Oui, merci. Je pense qu'on est tous convaincus cet après-midi qu'il sera plus facile d'arriver au zéro degré qu'au zéro déchet. Ça, c'est une chose. Je rebondis, plaisanterie mise à part, sur l'assurabilité. Il y a une chaîne de confiance à avoir entre la maîtrise d'ouvrage, les entreprises, bureaux de contrôle, architectes, maîtrise d'œuvre. Il manquait, à mon avis, cet après-midi, ce sont les fabricants. Les fabricants, c'est ça en fait. Si je prends l'exemple des panneaux photovoltaïques, certains fabricants garantissent 80% de rendement à 25 ans. Pourquoi pas imaginer le fabricant de fenêtres, puisque c'est l'exemple qui est souvent cité, qui garantit lui le réemploi de la fenêtre au bout de 25 ans, au bout de 30 ans, etc. Et je pense que là aussi, il y aura quelque chose. On invente. Il y a la loi qui a été présentée par Madame le député tout à l'heure. Quand je lis, moi, l'opérateur qui sera susceptible de garantir, etc., ça ne sera pas vous, a priori. Je vous ai complètement compris là-dessus. Parce que, en définitive, qui est... On est quand même sur un système de garantie d'assurance, etc. Quand on va acheter sa télé ou son réfrigérateur, si le vendeur vous dit « je vous le garantis 2 jours et encore, vous serez heureux », je pense que vous allez tourner les talons, là c'est pareil. Il faut aussi véritablement pouvoir travailler en confiance. Les entreprises, si on leur dit le matériau que tu vas prendre ou le matériel c'est bon, tu peux le remettre en toute confiance, il va le faire. Et puis dernière petite intervention, peut-être que le BIM va nous aider aussi dans le réemploi parce que dans 25 ans on cliquera sur le plan et on aura notre mode d'emploi IKEA qui dit pour la fenêtre en question il faut démonter la part close, la première vis, la deuxième, etc. Surtout, le BIM va nous aider à avoir une vision du bâtiment pièce par pièce. C'est-à-dire ce bâtiment-là, cette ferme-là, elle a été posée tel jour, telle heure, avec telle caractéristique et telle caractéristique de déconstruction. Et puis on peut souligner que Cycle Up, justement, sur le BIM, vous travaillez là-dessus. Là, on n'est peut-être pas obligé d'attendre 25 ans, mais on est en train de mettre quelque chose sur la plateforme. C'est, en tant qu'architecte, vous allez pouvoir charger la... Non, je voulais pas l'utiliser en anglais. Maquette. La maquette sur le site internet. Et derrière, ce sera vraiment un Tinder, en fait, qui dira, bah, là, vous nous avez prévu une porte avec ce type de dimension. Et en fait, il y aura une porte avec cette dimension-là qui sera disponible sur la plateforme à la période indiquée. Voilà. Vos questions ou remarques, on peut se permettre d'en faire. Voilà. Alors, il y a deux mains levées déjà. Oui, c'était une question qui s'adressait à la CAPEB. J'entendais bien qu'il y a des freins, les délais pour respecter les objectifs de la loi, que c'est parfois compliqué, qu'il ne faudra pas multiplier les fiches, qu'il faudra massifier, qu'il y a des flux tendus, qu'on a besoin de toucher le matériau. Vous avez dit aussi rien n'est impossible. Et vous avez rappelé que le réemploi n'était pas nouveau et que la maison vernaculaire savait être valorisée. Et moi, je me demandais ce que la CAPEB avait comme action aujourd'hui concrètement pour donner confiance aux artisans sur reprendre cette culture du risque, leur dire que le réemploi, c'est possible. Parce que quand on a aujourd'hui des artisans qui ne prennent plus aucun risque et qui ne proposent pas, par exemple, de poser une marque de peinture écologique parce que ça leur paraît plus compliqué qu'une peinture monocouche classique ou ne font plus que de la plaque alors que leur métier avant, c'était d'être plâtrier. Voilà, par curiosité, je me demandais comment vous les accompagnez dans cette démarche. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas un type d'entreprise, on a une multitude. Aujourd'hui, quand vous évoquiez les peintures écologiques, un certain nombre de professionnels travaillent avec des peintures écologiques depuis des années. Il y en a qui n'évolueront jamais. Hein, on ne fera pas évoluer les gens qui n'ont pas envie d'avancer. Il y en a qui évoluent. Donc nous, au niveau de notre action, elle est diverse et variée. Alors d'abord, action liée à l'information. Alors on va reparler de façon... Alors sur le réemploi, on a un vrai souci d'assurabilité. Aujourd'hui, quand on évoque le problème, prendre un risque à l'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut que le maître d'ouvrage soit prêt à le prendre. C'est déjà la première des choses. Ça a été, on n'a pas arrêté de l'évoquer. Et le problématique qu'on a dans nos entreprises de petite taille, c'est l'ampleur du chantier par rapport à l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'évoquais, dans la majorité des chantiers des artisans, on a de moins en moins de construction, on a plutôt de la rénovation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils font une partie des réemplois. Tout à l'heure, j'ai invoqué l'exemple de la tuile, des briques qui sont réutilisées. Je peux vous dire que des tuiles qui sont réutilisées, il y en a qui le font. Alors ils ne disent pas tout, mais ils le font en la matière et ça se fait. Alors ça, c'est... Ça a une partie diminuée parce que ça coûtait plus cher de nettoyer une tuile ou une ardoise, une tuile, et puis de la reposer que de la casser, la foutre en l'air et la remettre une neuve. Aujourd'hui, ça va évoluer. C'est en train d'évoluer. Après, au niveau de la sensibilisation, nous, on est amené à travailler sur la sensibilisation des entreprises par rapport à la formation. Donc, c'est par la formation qu'on travaille avec eux en la matière. Mais on est, on est aussi en mettre en vigilance par rapport à l'assurabilité. Aujourd'hui, je vous rappelle que quand une entreprise met le pied sur un chantier, ils ont une épée de Damoclès tous les jours pour savoir si on ne va pas les mettre au tribunal en la matière. Et chaque fois qu'ils posent un produit, et je vais prendre l'exemple du produit naturel, et ce n'est pas de la provocation parce qu'il y a un certain nombre de fabricants de produits naturels qui ne posent aucun problème en termes de peinture, mais c'est d'être sûr que le produit qu'ils vont mettre va être garanti et va tenir. Et en fait, c'est leur problématique permanente, parce qu'aujourd'hui, je ne vous raconte pas le nombre de procès, non, mais il n'y a pas de souci. Fabrice, on s'occupe de sinistralité dans les entreprises, et des fois, les sinistres viennent que... un problème de couleur, je vais prendre un exemple volontairement, excusez-moi je vais un peu déborder mais je vais essayer d'être rapide, dans les enduits terre crue aujourd'hui matériaux naturels qui est une entreprise, un client et pourtant l'entreprise tient la route et, un client a poursuivi une entreprise parce qu'il y a une différence de couleur entre deux pans, c'est le matériau naturel il suffit qu'il y ait il y en a un qui est à l'ouest et un au sud, ça donne pas du tout la même chose et aujourd'hui la moindre problématique et en entreprise a été obligé de refaire trois fois les enduits par rapport à ça. Et c'est un problème de et cette entreprise-là, je peux vous dire qu'ils en prennent des risques, parce qu'il faut beaucoup de matériaux naturels. Donc ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on essaye d'accompagner, tout en prenant en vigilance les entreprises par rapport à leur assurabilité. Et aujourd'hui, on est malheureusement sur des petits chantiers, et c'est en permanence cette logique-là. Mais Et quand j'évoquais la notion d'expérimentation de maison individuelle ou de logement, ça nous permettrait aussi d'utiliser un exemple. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple concret, et je ne dis pas qu'il y en a, pour l'instant, j'en connais peu, beaucoup, pas beaucoup, qui permettent de dire, voilà, ça, ça a marché, c'est bien, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème de matériaux sur le fond. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le matériau, c'est le même. Mais sauf qu'aujourd'hui, faut que l'entreprise dise, bah, si je vous pose ça, je suis tranquille. Donc encore plus de preuves par l'exemple pour Le risque aujourd'hui des entreprises, ils ont et le risque aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est responsable. L'entreprise, il est toujours responsable. On est dans un monde où on a autoprotégé le consommateur et aujourd'hui, on a celui qui sait, celui qui ne sait pas. Et je pense que les architectes sont dans la même logique, ils ont cette logique-là. Donc en fait, à un moment, à quel niveau on prend le risque? On a des maîtres d'ouvrage qui sont prêts à faire. Et quand on a un maître d'ouvrage qui est prêt à faire, c'est plus facile. Alors, il y a deux mains levées. Je vais prendre deux questions d'affilée et puis après, je fais un point au timing. Alors, très rapidement, c'est plutôt une remarque d'ailleurs qui s'inscrit dans la continuité de votre discours. Là, je vais parler plutôt avec la casquette que collectivité en tant que maître d'ouvrage. Et justement, ces questions de responsabilité, en fait, c'est le fondement. Quand on fait un comparatif, par exemple, démolisseur, collectivité en termes d'implication, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en termes d'intérêt et d'investissement, c'est vraiment différent au sens où aujourd'hui, la responsabilité va peser de fait sur les maîtres d'ouvrage et un démolisseur derrière, vous l'avez dit, hein, quand vous avez parlé de démolisseurs qui demain peut-être deviennent fournisseurs de matériaux, on voit bien qu'il y a un enjeu économique qui n'existe pas pour un maître d'ouvrage, collectivité publique. Donc je pense qu'il faut être vigilant sur ce type de comparaison. À part si on parle en termes de coût global, mais à moyen terme, et justement quand on parle... Enfin, on va pouvoir... Ok. Et autre aspect, par rapport aux intermédiaires et tout aux phases de... Enfin, par rapport au réemploi en tant que tel, c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure sur les... Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi dans le discours, surtout pour convaincre les collectivités, l'aspect externalité positive, justement, toute la question, lien social... création d'activités sur les phases intermédiaires, notamment le nettoyage, la pose, etc. Enfin, j'ai vraiment l'exemple de la grande halle en tête. Et du coup, ça rapporte aussi, ça revient à la question d'un espace physique. Et, en tout cas, ça me paraît assez difficile de faire sans si on veut avoir ce rapport au local et créer de l'activité. Je prends tout de suite une question suivante et pour avant que vous réagissiez. Donc Gaël, alors moi je suis en charge de la prévention des déchets dans une aglo qui est à Lillebonne, à 30 km d'ici. Alors en termes d'exemple de réemploi, j'en ai un bon, c'est qu'à Lillebonne il y a un théâtre romain qui a 2000 ans. Et alors autant vous dire que niveau réemploi, ça a très très bien marché parce qu'en fait il y a des pierres du théâtre romain qui sont à Jumièges pour faire l'abbaye et aussi pas mal de maisons de Lillebonne qui sont sur des fondations, des pierres. Et là à première vue ça n'a jamais posé de problème et ça a l'air très solide. Mais sinon en fait ma question c'était qu'en fait quand j'essaie de mettre en place la prévention des déchets au niveau des services bâtiments, etc., en fait ils me disent. Déjà, si jamais on fait un appel d'offres auprès des entreprises et qu'on leur demande d'avoir un nombre de bennes suffisant pour vraiment faire un bon tri, sans même parler de réemploi, on va privilégier les grandes entreprises qui ont tout un tas de bennes à dispo et qu'en fait, le petit entrepreneur local, lui, avoir de grosses difficultés pour déjà louer toutes ces bennes ou les avoir, les acheter et être quand même compétitif. Et j'avoue que ça casse un peu le truc dès le début, donc si j'avais une super réponse, ce serait génial. Non, mais justement, ce serait pas de passer au réemploi? Parce que là, on parle de benne, donc on parle uniquement de recyclage ou d'autres valorisations matières. Mais lorsqu'on parle de réemploi, on parle plus du tout de benne. On parle de matériaux qui sont mis qui sont déposés proprement. Donc voilà, exactement. J'allais en venir. Il faut faire un diagnostic ressources de ce que vous avez déjà. Comme ça, vous avez une idée de tous les matériaux qui sont disponibles sur votre territoire. Et ensuite, il faut mettre les actions derrière. Et en effet, l'idée d'avoir une plateforme physique, ça se fait de plus en plus. C'est peut-être, donc c'est à 30 km d'ici. Ici, ce n'est pas à vocation d'être une plateforme physique, mais il y en a d'autres. Je pense peut-être que Mathilde en connaît certaines. Mais c'est ça, en fait. Non, mais attends. En fait, pour répondre à ce qui a été dit, en fait, la question du diagnostic ressources, ça va permettre justement à ces matériaux qui sont disques de ne pas rentrer dans le statut de déchet. Donc, vous faites un diagnostic ressource qui va identifier des matériaux qui resteront des matériaux et après qu'il faudra effectivement injecter dans un circuit local qui a l'air très, très dynamique et que Mathilde connaît sûrement. En fait, moi je suis pas certaine d'avoir compris la question parce qu'elle est double. Je vous invite à faire un diagnostic ressource qui se fait au moment du diagnostic déchet, après de préférence, mais bon, si c'est avant, c'est pas très grave. On peut faire un combo diagnostic ressources déchets avant démolition également. Voilà, ça se combine. Par rapport aux entreprises locales qui seraient trop petites pour répondre ou qui n'auraient pas les moyens, hein, des grosses entreprises, on va accompagner les maîtrises d'ouvrage pour savoir comment elles vont pouvoir proposer des appels d'offres qui permettent de découper des marchés en allotissant certains éléments, et c'est tout l'intérêt du diagnostic ressources et de sa fiabilisation, parce que derrière on aura tendance à dire, là écoutez, vous avez un lot de menuiserie qui est exceptionnel, on a une entreprise locale, 2-3 entreprises locales que vous pouvez mettre en concurrence qui seraient en capacité de venir les déposer avant curage ou pendant curage. Alors du coup il y a une coordination à faire entre les deux entreprises, mais voilà, en fait il y a plein de scénarios à imaginer en fonction des possibilités qu'on a. Et puis des savoir-faire locaux, c'est-à-dire que bah oui, en fait, on a une entreprise qui fait de la vente de briques de réemploi dans le coin, donc elle saura très bien déposer toute la maçonnerie parce que ça a été fait à la chaux, donc elle sera tout à fait en capacité de déposer. Donc ce lot-là, il faut le sortir et vous allez faire un marché spécifique. Et pour ce qui est des entreprises qui seraient trop petites mais qui auraient des capacités communes, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on encourage aussi les petites entreprises à faire des groupements momentanés d'entreprises pour répondre ensemble à des appels d'offres, parce qu'elles ont par exemple plusieurs compétences autour du réemploi, mais elles n'ont pas les capacités, elles n'ont pas les moyens par exemple de pouvoir répondre à des gros projets, mais ensemble elles ont à la fois les mêmes modes de fonctionnement, souvent c'est des entreprises en insertion, elles ont les mêmes modes de fonctionnement, elles vont mettre en commun tous leurs outils pour pouvoir prétendre répondre à des gros projets. Voilà, donc il y a plein de méthodes, l'allotissement en est un. Ça favorise beaucoup le réemploi avec des macro-lots, peut-être des lots particuliers, et puis peut-être des liens entre la partie démolition et la partie construction, parce que si une entreprise est responsable de la dépose, de la préparation et de la repose, soudainement là il y a une espèce de responsabilité qui fonctionne hyper bien, et les collectivités et les maîtrises d'ouvrage, elles sont responsables puisqu'elles sont responsables de leur matière, c'est bien pour ça qu'elles font des bordereaux de suivi de déchets, mais qu'elles ne valident, elles ont tendance à pas forcément très bien contrôler derrière ce qui s'y passe, et c'est en ça qu'elles sont aussi concernées énormément sur ce qui se passe sur le chantier, et c'est pour ça que la REP qui est en train de passer dans la loi d'économie circulaire, il faut qu'elle soit revue, parce que c'est pas juste les producteurs, c'est aussi les prescripteurs, c'est aussi les maîtrises d'ouvrage qui doivent aussi tous se responsabiliser. C'est une responsabilité qu'il faut partager. Donc l'entreprise, on peut lui léguer la responsabilité et donc la propriété de la matière. Ça, ça se fait d'un point de vue juridique. Mais il faut savoir qu'elle est responsable de sa matière. Et elle lègue le droit à l'entreprise d'aller mettre ça en décharge, au recyclage, etc. Donc après, il y a plein de types d'accompagnement administratif, juridique autour de ça. Mais la collectivité, elle a tout à fait sa responsabilité. Attendez, la question, c'était... Je crois qu'on a pas mal répondu, Mathilde. Je prends encore une toute dernière question ou remarque. Oui, bonjour. Il y a une question qu'on aborde, enfin que j'ai pas l'impression d'avoir abordée. Bonjour, je suis Anna Hoft, diplômée en architecture. C'est celle de, donc les collectivités territoriales, elles sont certes maîtres d'ouvrage, mais elles peuvent aussi être instructrices de permis de construire ou encadrer la réglementation urbaine. Et je me demande si là, il n'y a pas un petit levier aussi pour potentiellement réglementer le réemploi, la dépose sélective dans les PLU, par exemple. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus à la région ? Des PLUI avec des prescriptions incitant au réemploi, ça serait super. Alors, il y a une voix d'une collectivité ? Sinon, on amende, on fait des chartes. En trois mots, on y travaille, voilà. Mais en termes de changement des comportements, ça prend du temps. Mais clairement, c'est enfin, c'est en cours, quoi. Je pense que d'ici un an, on aura déjà avancé sur la question. Bah, le PREDEC, prendre prévention des déchets et compagnie, il y a quand même des choses. Alors, moi, je travaille, je suis chargée de mission contrat d'objectifs déchets économie circulaire pour le syndicat de traitement des déchets de l'agglomération cannaise. Voilà. A priori, sur la façon dont les communes s'organisent et tout, mais dans le PLU, tu imagines quoi? Parce que si tu veux, le PLU, c'est une prescription urbaine. Donc, à part éventuellement indiquer que dans les aspects extérieurs, privilégier les matériaux locaux ou je sais pas quoi, tu peux pas interdire. Tu vois, je suis pas sûre que le PLU soit le meilleur outil. Par contre, il y a des outils. Notamment autour de des déchets qui sont peut-être plus adaptés. Pascal, un complément là-dessus? En fait, déjà sur les documents d'appel d'offres, on autoriserait et on ne bloquerait pas les situations, enfin on autoriserait des matériaux réemployés ou des variantes, ça serait déjà une bonne chose. Mmh. Ça serait déjà la première étape qui permettrait de laisser l'entreprise à un moment le choix et en la matière, ça serait déjà quelque chose de bien. Alors c'est fait dans certaines collectivités, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais il y a un vrai progrès à faire là-dessus aussi. C'est-à-dire que souvent on est très, très limité là-dessus et s'il y aurait une vraie volonté, il y a du boulot à faire là-dessus. Mais enfin, c'est juste oui. Par rapport à l'étape d'accompagnement des collectivités. Nous, on réfléchit aujourd'hui à monter en fait un accompagnement justement de ces maîtrises d'ouvrage, publics ou privés, parce que les bailleurs aujourd'hui, c'est un champ entier qu'il faut aussi investiguer. Et donc, c'est justement comment est-ce qu'on peut encourager les collectivités à intégrer ces clauses un peu plus ambitieuses et du coup d'intégrer aussi le risque. Donc, en fait, cet accompagnement permettrait aussi de suivre aussi l'appel d'offres et son analyse, parce que c'est ça aussi qui bloque. Quelques collectivités de prendre le risque et de franchir le pas. Un dernier mot, Hugo, et puis vous avez fait signe pour prendre la parole. Non, mais oui. C'est à beaucoup plus grande échelle, mais de plus en plus, en fait, au niveau des aménageurs, par exemple, je vois la CEMAPA à Paris, en fait, dès l'origine, ils incluent des clauses pour faire du réemploi lorsqu'il y a des réponses de maîtrise d'ouvrage privée pour construire des lots à l'intérieur. Ensuite, c'est vraiment d'aller d'échelle en échelle. Ensuite, lorsqu'il y a une consultation pour des architectes, de la même façon, on peut inclure du réemploi. Consultation pour des entreprises, on peut inclure du réemploi. Enfin, tout est une histoire d'échelle et tous les acteurs sont concernés. Eh bien, très bien, c'est un bon mot de la fin. Merci Emmanuel Ono, Stéphanie Pally, Valérie Flicoteau, Mathilde Billet, Hugo Bonnet et Pascal Dufour.